Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de ARZO et une production Young Media. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Rétro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 120e épisode de Rétro Nouveau. Wow. Yes, Colin, 120 chiffrons pour la fin de l'année. C'est cœur, hein? Salut les gars, ça va bien? Toujours, ouais, toujours. Super, super. Yes, je suis à ma gauche. Nick Lachapelle. Jeff Cromp. Fred Gémus. Et Dominique Bourret. Ah non. Dominique n'est pas arrivé encore et je suis Bruno Jorget. Ouais, il est en mode ghost. Il aurait dû avoir un hologramme de lui à l'écran. T'sais. AFK, il y a C'est drôle, sa chaise est comme poussée dans le fond. Comme exact. Ouais. Je pense qu'il était déjà en mode, prête pour lui. En mode lendemain, party de staff. Ouais, c'est vrai. Tu sais, sa blonde, elle nous a texté pour nous dire il vient d'arrêter de vomir, il s'en vient vous rejoindre. Donc, on t'attend, papa cassette. Yes, il vient avec une couche. Puis... Non. Une couche puis une bavette géante, tu sais. Je tiens à dire que je garderai pas mon chandail d'Alien toute la soirée. Come on! C'est beau chandail. Ça va changer. Ils sont beaux, vos chandails. Les perks de nous écouter en direct, c'est d'admirer c'est nos pulls. Tout avec l'argent du Patreon qu'on s'est payé ça. Là. C'est tous les profits sont là-dessus. Faut que tu dises que c'est pas vrai, sinon le monde va arrêter. Ah ouais, exact. C'était ça, ces affaires-là. Tabarnouche. On va tout perdre notre following. Ah ouais. Bon. Hey, d'ailleurs, parlant de Patreon, on voudrait remercier tous nos Patreons ainsi qu'un Patreon spécial qui est allé... Above and Beyond the Call of Duty, qui était très généreux avec nous autres et qu'on voudrait remercier CyberWest. Merci énormément. Merci. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir des choses comme ça. Et puis, on va donner le contenu du show pour ce soir. En fait, ce soir, ça va être un spécial de fin d'année. Fait qu'on va tous dire c'est quoi nos meilleurs jeux. On va aussi parler de nos meilleurs moments dans l'année 2017. Mais là, il faut spécifier que c'est top 5 de nos meilleurs jeux qu'on a joué cette année et non pas les meilleurs jeux qui sont sortis cette année. C'est ça, c'est exactement. Ça, ouais. Ben, en tout cas, pour certains... Ouais. On va faire ça compliqué le plus possible, mais ça va être voir plein de titres de bons jeux, c'est promis. C'est ça, exact. T'sais, dépendant de qui est la personne, ça va être des jeux de cette année ou pas. fait que c'est ça. Probablement, Fred... J'aime ça, je suis seul de mon bord. J'ai comme attends, là. Ça, c'est Fred puis Dominique. Il va avoir des. Ça va être toute génération. C'est ça. Rétro, team vieux bat. C'est nouveau all the way. Je vais être VR pas mal, moi. Team vieux bat. et puis, c'est ça. On va parler aussi de l'année 2017. On va aussi, à la fin, s'il y a du temps, on va parler de ce qu'on espère pour 2018. Yes. Puis, c'est ça. Sinon, il y a GF qui va faire une petite critique en entrée. Il y a eu une critique qui s'est glissée vers nous. Glissée. Hein? Oh, ouais. Quel segway, c'est excellent. Quel segway. Bien dit, ça. Puis avant de take it away à GF, je veux vous rappeler Rétro Nouveau Solo numéro 5. C'est sorti, c'est là. Je parle entre autres de la cyberdépendance, un sujet triste, mais qui est important. Ouais, fait que, j'aimerais ça que les gens écoutent pour qu'on en parle. Ouais. Ben c'est gentil, merci les gars d'avoir écouté ça. Puis il y a aussi Papa Cassette qui a sorti un nouvel épisode récemment, fait que double dose de Rétro Nouveau avant le spécial de fin d'année, c'est pas merveilleux ça. Fait que c'est ça, sinon, allez sur les pistes, GF. Ouais, hey, êtes-vous des écouteurs d'Olympique, vous, dans la vie? Ça dépend, ça dépend quand c'est la nuit. À ou temps non. partiel, ouais, c'est bien, ouais. Je suis un gros fan, fait que la critique qui s'en vient, moi, était toute désignée à moi, en fait. La caméra qui est là. Steep Road to the Olympics. Oui. Développé par Ubisoft NC et publié par Ubisoft. Disponible sur PS4, Xbox One et PC. C'est une extension, dans le fond, qui vient avec Steep. C'est fait pas partie du Season Pass, par contre. C'est une extension à part entière. Fait qu'il faut que tu la payes à côté. Le jeu maintenant est rendu 39. L'extension est 39. Fait que pour un prix plein, t'as le jeu plus l'extension. Okay. C'est un bon petit paquet. Puis je vais vous en parler maintenant. Puis il faut que je vous parle avant ça de. Quelque chose, en 2015, en fait, le comité olympique a déclaré que le Big Air en snowboard en 2018 à Pyeongchang allait devenir une discipline officielle. Fait que pour la première fois de l'histoire des Olympiques, un athlète freestyle de snowboard pouvait gagner 3 médailles d'or en même temps. dans trois disciplines freestyle. OK. Mm. Donc, en fait, on va jouer un athlète qui est en route vers PyeongChang 2018. On est un aspirant à devenir le premier snowboarder freestyle de l'histoire, remporté trois médailles dans trois disciplines freestyle, comme je disais. Donc, les trois disciplines qui sont le big air, le half pipe et le slopestyle. Pour ceux qui ne savent pas, le slopestyle, c'est une descente dans un genre de snowpark où il y a des jumps, des rails, des boîtes à grinder. Donc, c'est un genre de programme libre de figures puis de tricks, dans le fond, qui est probablement l'épreuve la plus fun de tout ça. On va devoir compétitionner dans une série d'événements qui vont, dans le fond, nous rendre jusqu'à la qualification olympique. Ces événements-là, ça va être des qualifications, ça va être des pratiques, des sessions aussi en descente libre. À un moment donné, il y a une session de descente libre qui est juste pour te faire tester ton suit olympique. Fait qu'on s'entend que ça fait pas de différence, mais t'as genre un nouveau suit que tu vas utiliser aux olympiques. Fait que je trouve ça drôle quand même de mettre ça. Ça fait partie comme de l'aventure d'un Olympien qui s'en vient dans les 4 années en préparation. Ça avait-tu l'air d'un saut de Spider-Man? Non, parce que c'était le Canada que j'avais pris, donc on n'était pas trop ridicule à ce niveau-là. Mais là, si on parle de pays, est-ce que tu peux adresser la grosse controverse qu'il y avait en ligne? Ben, est-ce que tu peux jouer la Russie? Oui, tu peux jouer la Russie. Ubisoft, on dit qu'il n'allait pas enlever la Russie parce que ça faisait partie du jeu de base. Donc oui, tu peux jouer la Russie si tu veux. Bon. Génial. On rappelle qu'ils ont été bannis officiellement. Ouais, le réalisme vient de prendre le bord de tout ça. Puis entre chaque session, en fait, chaque pratique, chaque qualification, on va voir des vidéos. Ça va être en train de couper de vidéos d'Olympiens qui vont nous parler de toutes sortes d'affaires. Là, c'est un peu un genre de semi-documentaire. Okay. Il y a autant des Français que des Anglais, anglophones qui vont nous parler. Ah, c'est-tu des Français qui parlent en anglais? Non, c'est des Français qui parlent en français sous-titré en anglais. J'aime ça les Français qui parlent en anglais. Moi aussi, mais j'étais content qu'ils leur laissent dans leur langue d'origine. De toute façon, c'est à NC, donc c'est pour ça probablement qu'ils ont contact avec des athlètes français et non québécois. Mm. Ouais, donc il y a Lindsay Vonn, la championne, là, qui parle de son anxiété, du stress avant les compétitions. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un peu documentaire. OK, en même temps, la partie documentaire qu'on voit est dans le jeu. Entre toutes les qualifications que tu vas faire puis les démarches pour te rendre jusjà devenir un Olympien. Ah, c'est cool. Jusqu'à la finale pour la médaille d'or, ils vont te parler de ce que tu vas vivre. Okay. J'ai trouvé que souvent, c'était pas représentatif ce qu'on jouait. Parce qu'on s'entend qu'on est quand même pas là, tu sais. On n'a pas tant le stress. T'es plus vers la finale quand c'est médaille d'or, tu essaies de pas te planter, là. Ouais. Mais non, c'était quand même très bien, je trouvais qu'ils ont inclus ça dans le jeu. Quand même. Les pratiques et les qualifications sont quand même faciles. J'ai trouvé que la seule difficulté du jeu était vraiment quand t'arrives en finale pour les médailles d'or. Souvent, comme juste ce qu'on a vu, c'est le Big Air. Ça, faut que tu fasses trois runs de Big Air. Fait qu'il faut que tu fasses le meilleur score total. Donc, t'as comme pas place à l'erreur, ce qui est correct parce que c'est les Olympiques. Faut que tu sois le meilleur du meilleur pour gagner. Ouais, exact. C'est vraiment le fun, là. Pour ce qui est du snowboard, avec les boards et les rails, ils ont ajouté du grind. Ils ont perfectionné un peu ce qu'il y avait que je trouvais qu'il manquait dans le premier stage. La façon de faire les trucs sur les boîtes, il n'y avait pas vraiment ça. Là, ils l'ont bien réussi. Là. C'est très, très solide. Corrige-moi si je me trompe, mais le premier Steve, c'était vraiment plus un jeu quasiment d'exploration puis de liberté sur la montagne. Puis là, c'est très compétition. Là. Ça clash beaucoup avec la première partie du jeu parce que c'est ça, c'est vraiment... Dans le premier, t'es exploration, t'es tout seul à part 3-4 skieurs dans la montagne que tu vas croiser. Là, il y a du monde, ça crie, t'as un commentateur qui commande tous tes moves que tu vas faire. Fait que ça donne vraiment un autre aspect. C'est comme si c'était un autre jeu, là. C'est carrément un autre jeu avec la même mécanique, un peu de base. Ils ont recyclé l'engin puis le nom, mais c'est un autre jeu. Ben, tu sais, c'est très crédible. Ils n'ont pas recyclé l'engin parce qu'en plus des compétitions, des trois compétitions que j'ai dit, il y en a 9 autres qu'on peut faire, comme là on voit ici du slalom. Ouais. Il va y avoir du Big Air, Slow Style à faire, puis du slalom, Parallel Slalom, Giant Slalom, Super G et du Downhill. Et le Downhill puis le slalom comme ça. C'est la première fois dans le jeu que je trouve que c'est utile d'utiliser du first person. OK. Parce que tu vois vraiment plus la piste où tu t'en vas. Fait que c'est... Ouais, ouais. Mais ça va vite. Puis toutes ces compétitions-là de slalom, c'est excessivement difficile. C'est très rapide. Parce qu'il me semble que je me dis... J'ai regardé ça puis je me disais... En jeu vidéo, ça va être plate quasiment. Tu fais juste gauche. Non, c'est vraiment le fun puis c'est vraiment, vraiment tough. Là, on voit qu'on a plein de neige dessus. Fait que la neige, elle a comme... Elle a quand même un impact, fait que c'est quand même très bien. Ah, c'est cool, d'abord, ça me dit ça. Ça pique de même, ma curiosité. Tu sens un peu plus la vitesse en first person. Ouais, c'est ça. En plus, vraiment, t'es en VR puis vomir. Ah, non, ben, même pas l'essayer en VR, ça. Ah, ça serait terrible. L'histoire est so-so. On s'en fout un peu l'histoire en tant que telle de nous autres. Mais c'est le jeu de sport, c'est souvent le cas. Mais ça, notre histoire à nous de l'athlète qui devient un athlète olympien. Ouais. Pas tant intéressant, mais ça reste que c'est quand même le chemin à passer pour se rendre là. Oui. Pendant que Dom arrive. Toi d'ailleurs, là. En titubant. Salut. Mais là, GF, là, pour les gens qui n'ont jamais joué à Steep, parce que tu sais, Steep, c'est comme quelque chose de dormant, là. Les gens qui connaissent pas tant. C'est-tu difficile à contrôler ce jeu-là? Qu'est-ce qu'il y a de différent des jeux comme genre... C'est plus simulation parce que tu vas moins faire un million de tricks un par-dessus l'autre, mais ça reste quand même vraiment facile à contrôler. Tant que tu as les bases qui sont très bien expliquées dans le jeu, ben c'est parfait, puis tu vas trouver ton compte assez rapidement. Okay. Je pense que c'est le meilleur jeu de snowboard et de ski en ce moment qui est sur le marché dans le current gen. Donc pour finir rapidement, l'histoire, l'ambiance olympique est vraiment le fun. Comme je dis, ça clash un peu avec le reste du jeu. Les autres challenges, j'en ai parlé. En plus des 12 compétitions, le jeu de base est accessible quand même dans les nouvelles montagnes en Asie, donc Pyeongchang et au Japon. Tu peux aller faire les challenges d'Ubisoft qui sont vraiment très difficiles. Il y a des challenges, il y a des explorations de montagnes. Il y a un peu le jeu original dans des nouvelles montagnes. Fait que ça t'ajoute une mécanique, ça t'ajoute aussi trois nouvelles montagnes en fait à explorer. Fait que c'est vraiment bien. Petit bémol, tu peux pas faire d'Olympique custom entre tes amis, mettons. Fait, je trouve ça plate un peu. J'aurais aimé pouvoir faire, OK, voici 6 compétitions, j'amène des chums et je fais une compétition contre eux autres. Non, c'est juste la finale, une fois que t'as fait de l'histoire. Donc, à ce niveau-là, Ski or Die est supérieur. Pour ça, oui. Ça, je te le donne. À ce niveau-là. Ça fait 5 minutes, man, que j'attends que JM finisse de parler pour dire, c'est-tu meilleur que Ski or Die? T'arrives puis tu voles, ma joke. Il y a des balles. Hey, Chris, hein? Dom, il n'y a pas le temps de niaiser. Il y a des balles de neige dans Ski or Die, en plus. Il n'y a même pas ça là-dedans. Mais bref, énormément de contenu, nouvelles mécaniques pour le snowboard, plein de 3-4 nouvelles montagnes, comme je disais, c'est en Asie. C'est incroyable. Le terrain en Asie est vraiment difficile. Mais le map design a été mieux fait que les autres, je trouve, parce que même si c'est difficile, on dirait que tout tombe en place quand tu vas faire des sauts. Fait que, tu sais, on dirait que la montagne est là et elle dit vas-y, ride-moi, ride-moi, là. Contrairement au premier. Ride-moi. C'est la joke qu'il fallait faire avant que Dom arrive. C'est ça, ça, là, parce que là, je suis triggered by Red. C'est ça, je vais rien dire. T'es fébrile. C'est ça, la map du Japon, c'est super beau, les couleurs, les arbres, c'est un sentiment de grandeur, il y a des cliffs de fou. Hey. C'est malade, c'est merveilleux. Et pour toutes ces raisons, je lui donne autant à Steep de base qu'avec l'extension, la note de 8.5 sur 10. C'est quand même un bon jeu, ça. C'est un excellent jeu. Puis maintenant qu'ils ont fait cette extension-là, donc t'as comme le mode olympique, le mode free-roaming, un peu open world, je trouve que c'est un très bon package, là. Génial. Vraiment, là, si vous cherchez un jeu de snow, embarquez là-dessus. Puis pour 99, je pense, tu peux avoir les deux extensions, plus tout le Season Pass, fait que tous les DLC qui sont les Rocket Wing, puis les descentes en bobsleigh, en traîneau, puis on a sorti plein d'affaires. Puis non, on cherche ça, c'est une communauté super active. Puis chapeau Ubisoft, c'est génial. Excellent comme jeu. Good. Nice, fait que sur ce, on va switcher à Fred qui va partir en démon pour notre top de fin d'année. Oh yeah! Hey, j'espère que vous êtes prêts parce que là, on en a du gros stock à aborder. Ah ouais, donc, start ça. Ouais, il va. On va partir ça sans plus tarder avec mon top 5. Avant de commencer, je vais juste dire par contre, moi, cette année, j'ai pas eu une grosse année où j'ai eu beaucoup de temps pour gamer. Fait que je suis allé vraiment avec les pics des jeux qui m'ont soit le plus surpris ou que j'ai passé. Ah non, c'est pas ça. C'est terminé. C'est fini, bon, c'est correct. Fait que je suis allé vraiment avec les jeux qui m'ont soit aspiré beaucoup de temps ou du moins créé les plus grosses surprises puis les plus de satisfaction. Alors, je vais commencer ça tout de suite en cinquième position avec une surprise, Destiny 2. Alors, c'est pas très rétro, ça. C'est pas on très engagé rétro. Pour le rétro. Là, c'est ça, j'ai déjà trahi Dom dans mon top cette année. Mais c'est un jeu qu'on nous a souvent demandé. Il y a déjà plus d'intérêt. C'est ça, déjà fini. Mais bref, tu sais, c'est un jeu qu'on nous a souvent demandé si on allait parler et tout. Puis bon, on n'a jamais vraiment pris le temps d'en faire la critique. Puis moi, je suis tombé là-dessus un peu sur le tard, je dirais, parce que le premier Destiny, j'avais quand même trouvé ça correct, mais c'était pas vraiment le jeu qui m'avait le plus accroché. En fait, j'avais même pas mal décroché assez vite parce que c'était très redondant. Pas beaucoup de variété, puis c'était pas vraiment un genre de jeu qui me tentait tant que ça. Puis finalement, j'ai attrapé celui-là, puis il est tombé en spécial quand même assez vite. Donc, il y a un gros push de la part de Bungie pour avoir des players. Puis là, finalement, ça a été vraiment une grosse surprise. Donc, premièrement, ce qu'il faut spécifier, c'est que les gars de Bungie, c'est eux qui faisaient Halo avant. Ouais, donc, pour ceux qui sont les plus jeunes parmi nous, qui ne c'est pas vrai, qui connaissent pas le... Non, mais c'est ça, qui mais c'est... pas né quand Halo existait. C'est aussi eux qui faisaient Marathon, tu sais. À l'époque, Marathon. Sur Mac. Pour les plus vieux. Sur Tandy Mill? Ouais, ben, sur Mac. Non, pas Tandy Mill, ça Mac. C'est... Sur Pépin. Marathon. Mais, bref... Ah, oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est un jeu, c'est à Pépin. Mais bon, avec un gros succès sur Pépin. Parle pas de Pépin, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ces gars-là, c'est vraiment des champions des first person sur console. Puis celui-là, c'est vraiment un excellent jeu en termes de 3C. Donc, pour le, en termes de contrôle, confort et tout, c'est vraiment bien fait. Habituellement, les first-person shooters qui roulent pas en 60 images secondes, les joueurs se plaignent de ça, mais celui-ci est à 30 images secondes, mais ils ont vraiment une petite twist qui nous permet de... Ben évidemment, là, je tombe un peu dans le technique déjà, mais c'est pour ceux qui jouent au jeu, ils vont ou du moins les fans de first-person le comprennent. Mais bref, ce qui m'a surtout surpris, c'est à quel point on a vraiment pris du temps pour corriger un peu les lacunes du premier. Donc, en termes de mission, c'est pas mal mieux, c'est pas mal plus... Alors là, Bruno est tout fier d'avoir pogné la double Doritos. Alors, oh on commence God. Le top de l'année. C'est un carré Doritos. Lâche-le pas, on va la montrer tantôt. Ouais, non, on va la montrer tantôt. Mais bref, améliorer beaucoup la mission, le narratif, pas mal plus évolué que dans le jeu... Aussi, on a vraiment un plus grand monde à explorer que dans le premier jeu. Donc, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que dès le début, dans la campagne, on t'amène pratiquement sur toutes les planètes dès le début du jeu. Donc, t'as pas à te perdre ton temps sur la Lune. Parce que dans le premier, là, le deuxième monde qu'on visitait, c'était la Lune. Puis on s'entend que la Lune, c'est pas la place avec les architectures et la nature la plus saisissante à visiter. La progression. À part Moon Patrol, il n'y a rien de bon qui se passe. Exactement. La progression était tellement genre une planète à la fois, t'attendais. Tu faisais 2-3 missions sur la même. Là, on te garoche direct dans l'action dans la première mission sur Terre. Puis là, tu vois déjà tout le contenu endgame qui est dans ta face. Fait que tu as le goût de faire le tour. Puis on t'amène vraiment rapidement à faire le tour. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de contenu à découvrir. Et c'est vraiment un loot fest. Contrairement au premier, je trouve que dans celui-ci, là, le côté RPG slash ramasse le plus de gear que tu peux, moi, ça m'accroche, ces affaires-là. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc, c'est une belle surprise. J'ai beaucoup de plaisir à jouer justement en co-op, en multijoueur. Donc, on est quand même quelques amis à l'avoir attrapé. Donc, on passe beaucoup de bon temps là-dessus. Donc, on n'a pas fait la critique officielle. Puis, je pense pas qu'on va avoir le temps de la faire nécessairement l'année prochaine. Mais je voulais quand même le mentionner Bruno, parce que... Non, pas Destiny. J'avais fait le 1. Il avait fait le premier. Le 1 il y a longtemps. Il avait fait une critique 10 secondes aussi. Bref, un petit starter surprise un peu pour démarrer le top de l'année. Good. Donc là, on va retourner dans le rétro nouveau. Parce que c'est encore pas nécessairement dans le rétro. Et c'est en quatrième position, Sonic Mania. Donc un jeu que j'ai fait la critique ici et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est vraiment un petit bonbon rétro nouveau, ça, ce jeu-là. Oui. Donc, c'était vraiment une belle surprise. Quand on l'avait annoncé, ce jeu-là, tout le monde était un peu hyped et en même temps sceptique. Et finalement, l'équipe a vraiment livré la marchandise. C'est vraiment le premier jeu de Sonic qui était vraiment trippant depuis, je pense, Sonic 3 au Sega Genesis. Oh, donc, boy. Un beau retour aux sources. Gros statement. Vraiment réussi. Ah oui, je suis derrière ce statement-là. Moi, je dirais, dans la famille FG2, à la maison, ouais, parce que tu sais, Fred Gemus, Fanny Grégoire, FG2. Hein? Tantôt les trois C, FG2. On est méta à soir, on n'a pas le temps de niaiser, c'est la fin de l'année. Fait que bref, chez nous, ça, Sonic, on l'aime bien, puis je te dirais que ce jeu-là, ça a été un gros vendeur sur notre télé. Bon, tout ça fait briser en studio. Moi, je suis là et j'essaie de faire mon top. Non, vas-y. Comme vas-y, un professionnel. Vas-y, ça pour une t'es aussi professionnel que Pierre Bruno. Exactement. Vas-y. Alors, je dirais que ce jeu-là, c'est vraiment l'équivalent des nouveaux Star Wars. C'est un jeu by the fans, attention, fans. Là, je l'ai pas vu. Ah non, je sais bien. Mais tu sais, c'est by the fans, for the fans. Donc, vraiment bien fait. Tout là-dedans est vraiment magique. Que ce soit l'excellent level design, beaucoup plus fluide que dans le temps. Ah oui. L'exemple, BTF, FTF. Le mélange des... Comment? BTF, FTF. Exact. Puis le mélange des anciens univers avec les nouveaux, la musique, tout est parfait là-dedans. Donc, vraiment un jeu que j'ai beaucoup adoré encore. J'aime ça dire beaucoup adoré et beaucoup aimé. Ouais. Bref, c'était la quatrième position. Ce qui nous amène à la troisième position, un jeu rétro. Demon's Crest, j'ai fait la critique et qu'on a découvert par la suite qui avait déjà été critiqué, je pense. Ah, mais toi, tu l'as fait comme faux. Moi, j'ai pas eu le temps de le finir. J'ai bloqué un style loup blanc. J'étais pas assez haut niveau. C'est ça. C'est vraiment difficile, ce jeu-là. Ça, c'est vraiment un jeu justement qui traînait pour les mêmes raisons dans mon backlog parce que le compléter avec la vraie fin, faut vraiment que tu gosses. Et c'est ce qui a fait que j'ai vraiment finalement adoré ce jeu-là. Donc, il y a beaucoup de replay value. Là. C'est un peu un genre de Mega Man mélangé avec Metroid là-dessus. Faut que tu explores, faut que tu trouves les trucs, faut que tu gosses. Puis quand tu trouves la clé de l'énigme finalement, t'es tellement satisfait. Le level design dans ce jeu-là est vraiment solide. C'est du très très bon Capcom. Je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un revival. C'est fucking magnifique comme jeu. La musique, l'ambiance là, sonore, musicale est incroyable. C'est vraiment la musique. La musique, moi, elle m'a resté dans la tête pendant longtemps après l'avoir fait ce jeu-là. Donc, j'ai vraiment... C'est un jeu complet. Je comprends pas, moi, non plus, pourquoi ils ont pas ça, même. Il a juste été dans Ultimate Marvel vs. Capcom. Ils l'ont mis comme jouable, mais that's it. Hey, c'était pas dans SNK. Ouais, non, Capcom il est dans les il était dans la version SNK, puis il était aussi dans... Ah ouais, On ramène toujours le personnage, mais jamais la licence. Moi, j'aimerais vraiment ça, voir ça revenir. Donc, un jeu que j'ai vraiment... adoré terminer au point où est-ce que j'ai envie déjà de le refaire, mais je le repousse un peu parce que je me dis il faut que je joue à d'autres choses. Donc, troisième position pour ce jeu-là. Moi, je me dis l'année prochaine, je le fais au complet comme il faut. Non, faut que tu gosses. Ouais, c'est top de pauvre, man. Make it happen. Ça serait peut-être bon d'avoir une troisième critique aussi pour moi. Ouais, ouais, c'est ça. À chaque année, on critique ce jeu. Je vais faire une critique de ta critique par la suite. Yes. En deuxième position, un autre jeu rétro, mais là, ça, c'est vraiment un bonbon pour moi. Ben ouais, Rocket Knight Adventure. Alors, je pouvais pas le mentionner parce que... Tu t'es gâté avec ça en arrivant sur le show. C'est une des mes premières critiques que j'ai fait. Et tu sais, j'ai tellement donné une bonne note. Puis ce jeu-là est tellement parfait, selon moi, que j'avais pas le choix de le ramener. Puis tu sais, je peux juste l'amener une fois dans le top de l'année. Alors, c'est cette année que ça se passe. Ah, c'est ça. C'est là. Une belle entrée. Là, c'est là. Bravo. Donc, un excellent jeu. Moi, je me tente jamais de ce jeu-là. Je pense que je le fais au moins une fois par année quand c'est pas deux. Donc, tout est excellent là-dedans. Une difficulté vraiment parfaitement bien balancée. La queue, se tenir par la queue. Écoute, se tenir par la queue, moi... Ben, t'as un opossum, hein? C'est ça. OK, on pensait qu'on allait aller dans une autre direction avec ça. Mais non, non, non. Pour une fois, c'est comme vraiment, tu sais, comme j'annonce la nature. La biologie dit que c'est accurate. Ce show-là va être un bijou sans fin de quotes à mettre en main. C'est ça. Bon, ça va être introuvable. Je ne sais pas qu'on s'en a payé pour rien. Exactement. La queue est là-dedans et tout est parfait dans ce jeu-là. Une excellente variété de niveaux, de la musique vraiment parfaite de Konami. Tout est là. Sérieusement, si vous n'avez pas ce jeu-là, pis vous avez pas de Sega Genesis, c'est comme vous avez maintenant un but, une raison pour vous lever demain matin, pis c'est vous procurer tout ça. Enfin une raison de ça. Alors, finalement, la première position est la peut-être la moins surprise de l'année. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ah ben, regardons ça. Encore une fois, je trahis le rétro pour aller dans le nouveau. Mais ouais, mais attends, t'es encore dans le rétro, c'est sur Wii U, ça. C'est moi, j'ai joué sur Wii U, c'est vrai. Donc, la version comme un pauvre. Comme un pauvre, j'ai joué à Zelda sur la Wii U. Wow. Hey, je pense que j'ai vraiment tout dit ce que j'avais à dire sur ce jeu-là dans cette année. Ouais. On en a tellement parlé, j'ai tellement aimé ça que... Écoutez, je pense que j'ai même plus besoin d'introduction. Il y a quelque chose d'important, parce que si t'as joué Wii U, ça te dit que tu as été devant ta TV tout le long pour finir ça, ce qui est assez honorable, tu sais. Ça dépend. Il y a un moment où je suis allé devant la toilette parce que la Wii U, ma toilette était à 9 mètres de ma Wii U. Oh my god, c'est donc bien pratique. Wow, c'est quand même pas pire. Mais t'as fait un trou dans ton mur pour que ça communique. Non, mais tu sais, il a mis un vieux support dans ça. Je pense que Zelda Breath of the Wild, c'est vraiment un excellent exemple de comment rafraîchir une franchise. Donc, on continue vraiment l'évolution de la franchise tout en s'inspirant vraiment des mécaniques du passé. Là, on parle vraiment des premiers Zelda Nintendo où est-ce que c'est comme débrouille-toi pour trouver où il faut que tu ailles le cave. On se met en même temps au fait avec les jeux actuels, donc sur ce qui se fait, beaucoup de puzzles physiques, beaucoup d'émergences. Il y a plein d'affaires qui sont absolument tripantes dans ce jeu-là. C'est vraiment un chef-d'or. Un chef-d'œuvre de design en termes de progression et exploration. Ce jeu-là te prend pas par la main, il te laisse y aller et découvrir vraiment qu'est-ce que tu veux. Non, il te prend pas par la main. Tabarnouche, les boys, on aime ça le nouvel an. Moi j'étais vraiment aussi. Je sais qu'un des sujets qui est beaucoup revenu sur ce jeu-là toute l'année, c'était l'absence des donjons. Ben moi j'aime ça, l'absence des donjons. Je préfère avoir des petits shrines un peu partout puis vraiment avoir un gros playground à explorer. Donc voilà, c'est dit pour une dernière fois en 2017. Et puis, c'est ça. T'sais, vraiment une bonne profondeur de combat, une bonne variété d'items. Bref, ça m'a vraiment fait dépoussiérer ma Wii U pendant un bout de temps. Puis c'est dommage parce que j'ai pas... Je regardais après sur mon runtime sur ma Wii U, tu sais, t'as comme la fonction qui permet de voir à quoi t'as joué. Puis je pense que j'ai autant joué à Zelda que j'ai joué à tous mes autres jeux de Wii U en ensemble. J'ai passé des centaines d'heures là-dedans. Wow. Alors, c'était vraiment très bon. Alors voilà pour mon top. Alors, c'est génial. Évidemment, il y a quand même des petites mentions spéciales, des trucs qui n'ont pas fait le cut. Attends. La Doritos collée. Ça c'est collée. Deux. Regarde, on voit la fente. Ceux qui nous écoutent en audio à la maison, s'il vous plaît, allez sur YouTube voir la Doritos carrée. Ça vaut la peine juste pour ça. C'était un losange de fromage cheddar. C'est ça qui m'a occupé l'esprit pendant ma critique. C'est le logo de jeu de forme, en fait. Ben, quinte, toi. Hey, voilà. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est tout, le paradis, tout est ficelé, bon. Bref, les mentions spéciales rapides. South Park, The Fractured Butthole. C'est un jeu que moi aussi, j'ai vraiment ri pas mal sur un solide temps. J'ai vraiment adoré ça. Un très, très, très beau jeu. Metal Gear Solid, Game Boy Color. Il a failli être dans mon top. Je veux tellement l'essayer, ce jeu-là. Je l'ai vu à 100$, j'ai failli flancher. Ouais, en complet, en boîte. Ouais, là, c'est un beau petit jeu à avoir. Écoute, j'ai failli le mettre dans mon top, mais je me suis dit, je l'ai pas terminé à 100%. Puis je me dis, je suis pas digne de pouvoir. Il n'y a pas grand-chose de bandant au Game Boy Color. Non, vraiment pas. C'est comment les chanter, puis ça. Chanter, ça, puis les deux Zelda, Recall. Ouais, mais ils sont pas trippants. C'est des petits jeux. C'est des jolies choses. C'est ça. Des petites affaires. Moi, j'ai beaucoup aimé les Zelda, by the way. Je sais pas, ils m'ont pas accroché tant que ça, mais c'est des corrects. C'est des corrects. Awakening est bon, tabarnak. Pas payé de Zelda. Ouais, Awakening, mais c'est pas les deux de Capcom qu'on parle. Ah, oups. Sinon, rapidement, les mentions spéciales. Overcooked. Overcooked pour le co-op. Toujours le fun. Super Mario Odyssey. Je l'ai pas mis parce que, écoute. Tu laisses ça aux autres. Je laisse ça à tout le monde. Un gars de rétro après tout. Sinon, Flint Hook. Un autre jeu qui est vraiment dans le style rétro nouveau que. J'ai failli le mettre dans mon top, mais j'ai tellement eu une misère avec ce jeu-là. Il m'a tellement battu que je me suis dit, je suis pas digne non plus de le mettre. Peut-être l'année prochaine, en posthume. Asti, ça réussit Dark Souls, puis c'est même pas grave de jouer à Flint. Je le sais, Asti, que c'est avec de la misère avec Flint. Mais c'est mes yeux, il y a trop de couleurs, mes yeux capotent. C'est débile. Trop de couleurs, Je te jure, je te jure. Sinon, hey, mention scandaleuse ici. Star Wars Battlefront 2. Hey, Monac. Qu'on arrête ce stream. Qu'on arrête ça. Hey, écoute, j'ai quand même. Pas mal eu du fun pareil avec ce jeu-là. J'ai beaucoup joué dans le multi. Jean-François est d'accord. Jean-François, il est super enthousiaste. J'ai eu du fun. T'as un sourire qui est arrivé dans ta face. J'ai tellement passé de temps dessus que je peux pas vraiment dire que j'ai pas aimé ça. Ça serait stupide. Ben non, sinon, petit dernier que j'ai rajouté ce matin. PlayerUnknown's Battlegrounds. On en reparlera plus tard, mais c'est sorti sur Xbox One la semaine dernière. Et depuis ce temps-là, mon sommeil... Ouais. Fait que parlons-en une troisième fois comme Gargoyles. Ah, quatrième. Demon's Crest. On a juste parlé une Alors, fois. Il me semble que t'en avais parlé. Ben puis après ça, t'as fait un retour là-dessus. Beaucoup il y a beaucoup de choses à se dire. On devrait faire un show spécial juste parler de tout ça. Mais bon, ça, c'est mon point. Bref, c'est ça pour mon top de l'année et mes mentions spéciales. Alors, si on continue là, Il te reste-tu du temps? Hey, je sais pas, j'ai pas checké. Je suis parti. Il reste 6 minutes. On parle rapidement de 2017. 2017, quand même, une grosse année, mais comme je disais tout à l'heure, peu le temps, beaucoup de gaming. C'est pas mal une année dans la collection. Ouais. Donc, y a des petites affaires qui se sont faites cette année, notamment une collection full set NES qui s'est complétée dans le mois de mai. Oh, monsieur. C'est complété le jour de ma fête, d'ailleurs, avec des amis qui ont acheté le dernier morceau. Ah oui, c'est vrai. Beau moment, Indiana Jones and the Last Crusade. J'étais là. J'y étais. Tout le monde a peut-être même coté là-dedans, je sais pas. Ouais, j'ai mis de l'argent. T'as investi, c'est bon. Écoute, c'est un très beau moment de terminer la collection avec un cadeau comme ça des amis. C'était vraiment la meilleure façon de finir ça. J'étais bien content. Sinon, écoute, pour ce full set-là, il y a eu plein d'histoires. Notamment, il y a eu le lot qu'on a acheté ensemble et qui était en 2016, mais qu'on a eu le temps de liquider jusqu'en arrivant en 2017. C'est un long travail, mais ça a très bien été. Ça. On a travaillé fort les deux, puis on a réussi des bons coups les deux. Ça valait la peine. On a passé autant de stock que ça. Hey, man, j'en ai vu de la cassette dans mon salon. Sinon, une autre anecdote aussi, évidemment, qui a marqué ce full set-là, c'est le fameux Flintstones brisé qui est revenu à 0$ sur eBay en claim. Donc, qui a été réparé finalement, mais que bon, comme ma cassette maintenant est bionique, donc il y a une partie de la chip qui a été remplacée, mais j'ai toujours l'original, donc c'est comme un peu... Comme un peu pas authentique. Toutes les pièces sont là pour authentique. Full set n'existe plus. C'est ça, j'ai un full set bionique. C'est comme Francis disait, il dit, tu sais, si ton enfant perd une jambe puis tu la remplaces par une jambe bionique, ça reste ton enfant quand même. Mais j'ai dit oui, mais je l'aimerais sûrement un peu moins quand même. C'est un peu la même chose. C'est pas vrai, tout le monde. Tu le regardes, puis il t'écœure un peu. Tu sais, c'est exactement la même affaire. Sinon, une petite affaire aussi par rapport à ça, évidemment, qui m'a donné un coup de main pour finir le set, c'est la petite shop qu'on a sur le site de Retro Love sur Facebook et ainsi que sur eBay, dans laquelle on vend des jeux. C'est cette année que c'est parti en feu là-dessus. Ben c'est ça. T'sais, moi, l'année en 2016, je passais par des moments pas trop faciles où est-ce que j'ai acheté un condo et vécu une rupture pas mal dans l'espace de 2 semaines. Exact. Ce qui fait que je me suis ramassé un peu dans le trouble financièrement. Alors, j'ai failli, tu sais. J'ai eu peur pour le full set, mais finalement, j'ai surtroussé les manches. La santé mentale, le compte en banque, tout a pris le bord. Tout a pris le bord. Moi, le full set, c'était ça qu'il fallait qu'on se concentre. Fait que bref, là-dessus, j'ai comme décidé de pousser un peu ma passion qui est de chasser la cassette et de mélanger ça finalement et de ramener ça un peu dans la boutique en ligne. La raison est simple, c'est que je me suis dit, si j'aurais un deuxième job, je ferais plus d'argent puis ce serait comme mieux pour acheter des jeux. Mais en même temps, je finirais pareil sur le site à tout le temps ramasser des cassettes puis à essayer d'en revendre des doublons, des choses comme ça. Fait que bref. Cette année, c'est un gros push. On a rajouté notre petit Joe là-dedans et tout. Donc, c'est un bon petit sideline. Si jamais ça vous tente d'aller voir sur Facebook, Retro Love. Donc, vous pouvez nous encourager. Toujours apprécié. C'est fait un beau travail. On essaie fort. On essaie fort. Cassette, j'aime bien ça. On fournit les amis et tout. Là, donc, c'est bien sympathique. Très cool. Sinon, dans les autres nouvelles importantes de l'année, alors, je vais être le premier à en parler, mais évidemment, la SNES Classic qui a fait beaucoup de manchettes. Hey, j'en ai une! Ouais. Tout le monde en a une. Tout le monde en a une. Tu vas jamais l'ouvrir, que tu disais. Ça, là, c'est vraiment pour ça. Là, tout ça le monde a une, personne n'a joué. Exactement. C'était la grosse affaire cette année. Premièrement, la nouvelle que ce ne serait pas disponible au Québec en précommande. Ben oui. Je me rappelle avoir dit ici même autour de cette table, « Hey guys, c'est les précommandes qui sont annulées. Ça ne veut pas dire que ça ne sortira pas. » Et comme de fait, c'est ce qui est arrivé. Alors, tout le monde est passé de « Fuck Nintendo, compagnie de merde, allez tout chier » à « Yeah, Nintendo, regardez ce que j'ai vu au Walmart. » Ça ressemble à ça pas mal tout le temps. C'est tout le temps ça. Mais bref, en passant, pour ceux qui chialent encore que c'est pas disponible et tout, je pense que si tout le monde qui voit des SNES Mini qui les achète pour les refiler à leurs amis arrêtait de faire ça, je pense qu'il y en aurait pour tout le monde. C'est juste que là, en ce moment, tout le monde a l'impression qu'il en manque tout le temps. Fait que finalement, c'est juste... Que non, mais tout le monde... parce qu'il y a du monde qui sort pas comme moi. C'est ça. Ouais. Mais t'as si eu la chance de... m'en acheter une. On t'en a offert quand même 3-4, je pense, au final. Ouais? Non, mais pas moi, là, mais... En ligne. Je veux dire, en tout cas, j'en ai vu passer plusieurs dans nos groupes d'amis qui venaient ramasser. C'est vrai que j'en l'arcade aussi, puis là, le monde, il m'arrosait de ça. Là. C'est non, ça. Non, non, fait que bref, ce serait plus disponible si les gens arrêtaient d'en acheter à chaque fois qu'ils en voient. Puis là, en plus, avec le retour de la NES classique l'année prochaine, ouais, là, je pense vrai, que... Ouais, c'est vrai, ça, c'est... Oh, c'est supposé, c'est mais écoute... c'est supposé que c'est officiel. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que 2017 a été le retour en force du rétro. Donc, évidemment, ces consoles-là, ça a vraiment non seulement ramené la flamme, mais ça s'est surtout nourri d'un marché qui était en train d'émerger. Puis là, si on regarde, il y a eu plein de trucs vraiment cool du rétro. Premièrement, il y a eu plein de jeux qui ont eu des retours comme Metroid, Samus Returns, Sonic Mania, Mega Man 11 qui a été fraîchement annoncé. Ah, ouais. Mais aussi, il y a eu des trucs pas mal plus flyés comme Castlevania 3 qui est devenu une série Netflix. Ouais. Qui était quand même bonne finalement. Ben ouais, vraiment, même là. Décevant parce que c'est pas assez long. Là, on aurait aimé ça vraiment avoir le jeu. Et c'est comme. Ça, c'était une belle surprise, je pense. Moi, dans mon année 2017, ça allait vraiment. Moi, je suis le gars le plus peureux de tout ce qui va se faire sur Castlevania. Ben, c'est ça. Comme, ah, yes, c'est good. Good job. C'est ça. Puis, je suis pas un fan de manga. Puis, cette fois-ci, je sais pas, c'était vraiment bien fait. Puis, je suis allé voir sur Internet tous les clins d'œil qu'il y a là-dedans. Ah, c'est fou, ah, les mon viages, gars, tout est là. Là. La fontaine de sang qui est un clin d'œil à Bloodlines au Genesis. Tu sais, quand tu vois des affaires de même, comme, OK, là, ils sont fan service bien correct. Ah, exact. Bref, bref, c'était vraiment une grosse année pour le rétro. Et parmi les autres nouvelles que je ne mentionnerai pas trop et que quand même, je vais quand même mentionner avant pour finir mon 20 minutes, je dirais EA qui fuck up tout. ça a été la grosse nouvelle de l'année là, quand c'est pas fermé Visceral, le dire qu'on ne peut plus faire des single player only. Ben là, c'est des microtransactions de un peu dégueulasses. Donc, EA, j'espère pour vous que l'année prochaine sera une meilleure année pour vous ainsi que pour vos fans parce que, Colin, que c'est, vous avez, ça a été dur de vous aimer cette année. Rough, ouais, un peu de misère. Une année difficile. Mais 2018, ça commence bientôt. Fait que toujours le temps de se rattraper. Hein? Avant Combien? Check le timer, hein? C'est excellent. Wow. On est 9:56. Prenez des notes, tout le monde. Eh oui, on essaye d'être tight à soir. J'en ai même mon chandail là-dessus parce que j'ai tellement chaud. Ouais, tout le monde, ça s'en vient des beaux chandails. Ah, ben c'est juste pour l'aide. La deuxième partie du show, plus personne n'a un t-shirt. C'est chaud. Là, je veux juste m'excuser au public. Là, je mange des chips comme un cochon devant la caméra. J'ai pas vraiment soupé. J'arrive de la pratique de hockey. T'sais, hey, salut les enfants, bye. Puis là, j'ai comme. Ah ouais. Fait que je soupe au chip. Mais c'est très c'est bon. Parfait, hein. C'est parfait ça. Excellent. Chip et bien. C'était des céréales et des céréales. Puis en plus, je suis hangover là, parce que hier, c'était party staff d'Arcade Montréal. Fait que j'ai comme. Nick en a parlé un peu de ça. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. La rediffusion sur YouTube. C'est ça. Fait que, en tout cas, je suis là. Nice. Quand ça veut ressortir, tu prends quelque chose pour que ça ouais, c'est ça. Et bon, comme Slash dans sa biographie, il dit, il n'y a rien comme te remettre d'un hangover en buvant, tu sais. Ouais. Lui, il est allé de même pendant 10 ans. Lui, il continue encore de se remettre. Ah ouais, non, mais je pense qu'il a pété son foie et il boit plus aujourd'hui. Non, mais, il est clean, là, il prend plus rien. Ouais, mais... à ne pas essayer à la maison. Mais... Ah, t'es pas obligé. Ben, il a commencé à boire pour se guérir de l'héroïne. Ça a marché. Bon, ouais. Mais là, comme il y avait un autre problème. C'est ça. Ça a créé un autre problème. Esti. Le moins pire des deux pires, dans le fond. Ouais, c'est bon. Ça. C'est que là, c'est au tour à GF. C'est à moi. Je vais dire en partant que j'hésitais à mettre en première position Mario ou Zelda. Fait que j'ai enlevé les deux, dans le fond, parce que tout le monde allait en parler. Fait que c'est mes numéros 1 par-dessus mon top 5 que je vais faire là. Ah, c'est bon. J'ai essayé de me concentrer sur le VR cette année, vu que j'en ai parlé beaucoup. Ben oui. Il y a quand même deux jeux non VR qui ont fait leur entrée dans mon top. Fait que je vais commencer tout de suite avec ma position numéro 5, Vindicta, en réalité virtuelle. Donc, le jeu de first-person shooter qui avait introduit la mécanique de se déplacer en shakant les mains comme si on courait un peu. Dans le fond, mode de locomotion ouverte, là, vraiment. Très bien réussi. Aucun motion sickness là-dedans. Ça a été un jeu frénétique. J'ai pas été capable de le lâcher. C'est vraiment le fun. Les tableaux sont bien bâtis. Tu peux te cacher derrière des trucs quand tu te fais attaquer, comme on voit en ce moment à l'écran. Là, c'est super. T'as des araignées en robot qui te tirent, pas qui te tirent dessus, mais qui te sortent d'en face tout le temps. Ça, d'ailleurs, message aux gens qui font des jeux de VR. Là. Les araignées d'un jeu, on peut-tu arrêter, s'il vous plaît? J'haïs ça, les araignées. Il y en a dans toutes les maudites expériences VR que je pogne. Il y a une araignée quelque part, j'haïs ça. Mais bon, ça fait monter mon rythme cardiaque, puis ça, c'est bien plaisant. Fait que celle-là, regardez-le pour vrai si vous avez un casque VR, Oculus Rift ou HTC Vive. C'est un très, très bon jeu, là, vraiment solide. Numéro 4, quatrième position. Qui est un jeu non VR, South Park, The Fracture Butthole. Ah, yeah! J'avais pas le choix. Une suite vraiment excellente au premier de Stick of Truth. Carrément comme jouer un épisode de 25 heures de South Park. Fait que si vous êtes fan de South Park, garochez-vous là-dessus si vous en allez avoir votre argent. Aucun des mots que t'as prononcé dans cette phrase-là qui était dégoûtant. Non? Jouer un épisode de South Park de 25 heures, pour moi, c'est toutes des choses winner. Là. C'est ça, on a le graphisme et c'est seamless là, entre les cinématiques puis l'action du jeu, c'est pareil, ça a été fait avec le même moteur. Vraiment là, puis si vous trouvez que la série était vulgaire, le jeu l'est aussi. Des fois, il va à des places que j'étais vraiment mal à l'aise, puis j'étais assez difficile d'être mal à l'aise dans la vie, mais il y a une couple de moments que j'ai fait comme « Oh, même moi, je trouve ça beaucoup là ». Fait que non, vous serez pas déçus. Essayez ça, South Park, The Fracture Bottle, un excellent jeu. Je pense qu'il est même... Elle me surprend cette franchise-là, tu sais. Ouais. Je pense à la base que ça va être de la merde. Même au 64, c'est pas si pire, South Park, non? C'est pas ce chef-d'œuvre, mais c'est un jeu apprécié, non? Je pense que le jeu de course c'est pas si pire. Le first person shooter est pas très bon. Ah. Puis le jeu de quiz, party game un peu, lui, il est rigolo. Bon, en tout cas... South Park a un passé correct, puis celle-là, le nouveau South Park, c'est comme ça explose tout. C'est tout bon. Mais c'est t'sais. Tellement bien fait, puis étant donné que les gars du show ont travaillé là-dessus, je pense que ça paraît dans les textes, puis ça paraît dans le flow là, du jeu, puis tout ça. Donc non, c'est un très très bon jeu. Là. Vraiment à essayer si vous n'avez pas eu la chance de jouer à ça cette année. Troisième position, on retourne en VR avec Super Hot. Non, c'est pas le bon gameplay. Ouais, attendez un petit peu. Je voulais qu'on parle de Demon's Crest pour une quatrième. Donnez-moi une seconde, je vais la rendre. C'est pas grave, sinon... Ça prend une musique d'interlude. Ah oui. Peut-être qu'on pourrait faire comme des mouvements de VR. Ça va, le bruit de moi qui mange les chips. Ah, il est là. C'est bon, la cassette, il est cloué à cassette, c'est parti. J'ai mal mappé mon petit board, c'est ça, je disais, des petits mêmes techniques. Mais je voulais mettre vraiment la vidéo parce que Super Hot, ce jeu-là, c'est un VR seller complètement. C'est le jeu qui m'a fait acheter un casque de réalité virtuelle quand j'avais joué au Reg. Ça a l'air cool, j'ai jamais vu ça. J'ai même parlé quand t'étais pas là, en fait, Dom, de ça là. Dans le fond, le principe de ce jeu-là, c'est que tes mouvements vont impacter le temps. Donc, si tu bouges pas, tout est arrêté. Dès que tu fais un petit mouvement de bras ou de tête, mais l'action va se dérouler. Puis plus tu bouges vite, plus le temps va avancer vite. Donc, tu vas avoir une scène que les gens vont s'approcher de toi avec des guns, avec des couteaux, avec des coups de poing. T'as des armes autour de toi, faut que tu penses à tes moves. C'est comme être dans Matrice, dans le fond. Là, ça. Ah ouais, hein, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est comme la Matrice, mais les personnages seraient tous en sucre d'orge? Ouais, c'est un excellent... Parce que ça ressemble vraiment à des sucres d'orge. Ouais. Sucre d'orge. Mais oui, c'est une très bonne explication, dans le fond. C'est juste des sucres d'orge, pas d'yeux, pas rien. C'était-tu ton nom dans World of Warcraft, sucre d'orge? Non, ça prend beaucoup d'orge pour faire de tels sucres. Mais c'est excellent, tu peux voler les fusils dans les mains du monde. Quand t'es tiré, les guns revolent vers toi, tu peux pogner au vol, t'as penché, te cacher derrière des tables. C'est à un moment donné, là, je jouais à ça, puis j'ai failli perdre pied, puis j'ai essayé de m'accoter sur une table virtuelle. C'est à ce point-là immersif, le jeu, tu sais. J'ai juste tombé plus à terre que si j'étais tombé normalement, dans le fond. Tomber en VR, c'est comme tomber comme tomber un en VR, tomber c'est dans le VR. Tomber comme le 1%. Ouais, exactement. Non, mais donc, il est disponible celui-là sur PlayStation. PlayStation VR, Oculus Rift et HTC Vive. Donc, celui-là, il est disponible partout. Celui-là, c'est un must-have dans votre collection de jeux VR, en fait. Tente, là. Moi, ça me fait capoter les jeux, là. Il est vraiment excellent. En deuxième position, je vais rester dans le VR. J'espère que je ne me suis pas trompé sur mes. Donc, deuxième position, je vais peut-être en surprendre parce que je n'ai pas parlé encore de jeu-là ici à Retro Nouveau. Rec Room VR. Donc, ça aussi, c'est un jeu qui est disponible sur PlayStation autant que sur HTC Vive et Oculus Rift. C'est un jeu d'ailleurs qui joue multiplayer online et c'est jouable entre les trois plateformes. Donc, l'autre fois, on a joué à quatre en fond. Rec Room, c'est un centre de récréation, donc dans une école fermée. Puis, il y a plein de quests, plein de jeux que tu peux faire avec plein de monde. C'est un genre de réseau social. Tu peux te faire des games privés, tu peux jouer à des ça, c'est un jeu de laser tag, c'est vraiment le fun. Tu peux faire des missions à 4 co-op FPS que tu vas jouer dans un truc de laser. Tu peux te faire des rooms privés, donc des salles privées. Tu peux faire vraiment là, n'importe quoi. Ce jeu-là, il est même pas encore sorti officiellement. Il est encore en Early Access. Il est gratuit. Puis j'ai fait une game l'autre fois, là, on jouait à un jeu de laser. On était deux gars HTC Vive, un gars PSVR, un gars Oculus Rift. Ça marche numéro un. Le multiplateforme en plus. Le multiplateforme, wow. Puis il n'y a pas de latence, il n'y a rien. Puis tu peux. Tu sais, j'ai plus de gun. Le gars va te lancer un fusil, tu vas être capable de le pogner dans les airs. Puis wow. Ça me mind blow. C'est même pas cash, ce monde-là, pareil. Je sais pas comment ça marche. Ça a l'air déjà vraiment le fun, gratis. C'est solide. C'est gratuit solide. Comme ça. Des fois, tu as des subventions des first party qui veulent. Ouais, que je pense que c'est ça. Je pense que en ce moment, le VR, c'est pas le gros succès. Mettre ça dans le budget recherche et développement quand c'est temps de déclarer les dépenses en fin de l'année. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un but d'attirer les gens avec le VR puis de les garder. Marketing money. Récemment, ils ont sorti un custom room design. Donc, tu peux faire des pièces designées toi-même que tu peux après ça mettre disponible sur le net. Puis, tu peux mettre des portes qui mènent vers d'autres salles. Donc, ils sont en train de développer une mécanique de créateur d'escape room dans ce jeu-là. Fait que c'est fou la quantité de stock qu'il y a là-dedans gratuit. Là. Puis là, mais j'ai vu. Est-ce que tu peux faire un quatuor inter-console? Ouais, c'est ce qu'on a fait. Donc, on était 3 PC, 1 PSVR. On a joué. Le troubadour du VR. Vous irez voir sur ma chaîne GFCombe VR. GFCombe VR, on le fait là-dessus. Puis ouais. Mais c'est vrai, j'allais voir vos spectacles. Les 4 chevaliers au cave du VR. Parce qu'on joue avec Easy. Fait que c'est ça. Pas le choix. Mais ouais, celui-là, c'est un autre must-have dans votre collection cool. De VR. Et en première position, j'avais pas le choix. C'est pas VR. Cuphead. Oh my god! C'est mon jeu de l'année. Ce jeu-là, pour moi, a changé bien les affaires au niveau du gaming. Ça vient de repousser les limites de ce que je pensais qu'il était possible d'accomplir en ce moment avec les nouveaux jeux next-gen. Là. Autant sur le storytelling que sur les dessins, l'animation, les contrôles. Tout de jeu-là est parfait. C'est dur, puis c'est pas trop dur. C'est sûr que c'est pas trop dur, man. C'est très dur, mais le monde sont pas habitués à grinder, à rusher de même de nos jours. Je pense que tu l'essayes, Dom, parce que tu vas je suis sûr que je serais pas pire. Pour vrai, c'est un bon défi. Étant donné que c'est pas un jeu qui look rétro, il se fait. Dans le style rétro gaming, les gens s'attendent pas à ce que ça soit vraiment dur comme ça, puis hardcore. Exact. Parce que ça fait comme, ah, c'est des petits bonhommes, ça va être cute. Mais c'est tellement attirant. Ah ouais, ben mais c'est sûr que c'est attirant parce que tout est bien fait. Puis, tu sais, chapeau, c'est la musique aussi là-dessus. L'orchestre qu'ils ont engagé, c'est fantastique. Ils ont gagné plein de prix d'ailleurs là, au Gaming Award récemment, là, deux ou trois semaines. Ah oui, hein. Direction artistique. Ils ont gagné une autre affaire aussi, je me rappelle plus c'est quoi, mais non, c'était vraiment très bon. Fait que non, c'est vraiment mon jeu de l'année. Si vous avez pas de PC ou d'Xbox, c'est plate là. Ça va venir sur les autres consoles, c'est tellement parce que c'est un time exclusif. Ouais. OK, bah ça va venir même sur Switch, j'ai l'impression. C'est ça va venir sur toutes les consoles parce que c'est tellement un succès international là, tout le monde s'entend pour dire que c'est incroyable, fait que c'est sûr que les autres compagnies vont sauter là-dessus. C'est sûr que c'est un succès critique, commercial, je sais pas, tu sais, c'est un peu niche. Moi je pense que l'approche fonctionne super bien une fois que la personne l'achète, qu'elle se rende compte qu'il soit dur, qu'il soit pas dur, tu sais, l'attrait initial est là. C'est ça, puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est une petite équipe, il y a pas eu un marketing monstre sur ce jeu-là, mais il y a eu un appui de Microsoft, fait que tu sais, je pense que pour eux, vendre... Mais tu sais, le pas look... beaucoup de copies, ça remboursait le compte de banque. Ouais. Mais le look vend le jeu. C'est exactement ça. Le look fait le trois quarts du jeu. Mais j'étais content en jouant de voir que c'était pas juste une question de look. Puis que vraiment les contrôles, puis les level design, puis tout était vraiment parfait dans le jeu-là. Fait que... Ouais. Ça reste un jeu qui aurait gagné à être en 3D un peu, tu sais. Je le sais pas. C'est pas vrai. La dernière semaine de Nick, déjà. Ça détruit le concept. Je m'en allais fermer ton micro. Mais... ouais, c'est clair, je niaisais. Je vous trollais, les gars. Ah, ça manque de shader, cette affaire-là. Il où le... Il où le multiplayer à 4? Anti-aliasing, ouais, guys. Pourquoi on peut pas jouer à 20 contre 20 à ça? Tu peux-tu acheter des loot crates? Ouais, veux-tu acheter des vies? Ça ouais, exact. Ça. Là, le mode facile, il est achetable? Non, pas encore, malheureusement. On pourrait leur demander. Donc, c'était mon top 5. Pour mes mentions spéciales, yes. Je voulais parler de Form. Dans le fond, le jeu de... c'est un jeu d'escape room métaphysique dans l'espace, ah oui, un peu. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ce jeu-là, pour l'ambiance que ce jeu-là crée, c'est à essayer pour vrai. Ça te montre les effets de grandeur que tu peux avoir en jouant en VR que tu sais peut-être pas nécessairement quand tu embarques là-dessus. Parce que souvent, ouais. Les gens me parlent « Ah ouais, ça a l'air plate ton jeu. » Je vois, mais faut-tu mettre le casque à la tête? Faut-tu sois dedans, ouais, c'est ça. T'es la caméra, puis c'est ça qui est dur à décrire, en fait, dans ouais. Le jeu de VR. Ouais. C'est tu deviens la caméra, donc... Mais c'est dur, je trouve, de décrire du VR de base. C'est, parce oui, qu'il faut oui. Vraiment que tu l'essayes pour comprendre à quel point c'est le fun. Tu vois un gars jouer, au moins tu vois ses mouvements, tu fais « Ok, je comprends un peu ouais. Plus. » Qu'est-ce... Comment ça marche dans le fond? C'est-tu ta plug pour tes Twitch? Ouais, non, mais je l'ai fait tantôt ma plug, ça. Regardez quelqu'un jouer comme GF. Ah ouais. Je suis bientôt un accident, ça sent bientôt, bien. Ouais, foncer dans ta Billy. Là, j'ai ça, eu ça, des ça, blessures mineures, mais rien, rien comme ma caméra. Tu devrais commencer à te dévêtir si tu veux plus de views. Puis de ben, je me suis mis en short puis tu regardes mes shorts cet été, je le fais plus. Là. Ah, j'ai ri tes shorts. Ouais, tu m'as blessé dans mon estime. Quel short que j'ai. Short slamé. À un moment donné, on va mettre du beurre sur ton plancher avant que tu fasses un stream. Ah, mais à chaque fois, je me cogne des manettes. C'est de l'huile. Je me cogne des chaises tout le temps quand je joue, par exemple. Là. C'est génial. Surtout à des jeux multiplayer en ligne, là, que tu veux te dépêcher à aller vite. Là, ouais. Là, c'est là que tu te fous un peu plus sur l'environnement. Un jour, l'étagère va tomber et ça va être merveilleux. Il va avoir tellement de rating. Ah, c'est fantastique. Mais Billy va venir à bout de GF. Ouais. Bon, Mario Odyssey, Zelda, j'en parlerai pas parce que ça va être couvert en masse. Sinon, il y avait, pour finir avec le VR, Survive, en fait, SVR Vive, qui est un jeu que j'ai fait aussi en streaming. Un autre escape room, tu joues quelqu'un qui est décédé, puis il faut que tu ailles récupérer des morceaux d'ADN dans certaines pièces différentes. Ouais, on est mort, des fois, tu es dans l'espace, des fois, tu es dans une maison d'un tueur en série. Il est fantastique, celui-là. Regardez-le, c'est un très bon escape room. Puis mon dernier point que je veux faire, une petite mention, Dimension Drive sur Nintendo Switch. Le shmup à deux t'as joué à ça récemment. À deux écrans que j'ai pas eu encore la chance de critiquer, peut-être le faire en 2018 là. C'est un shmup qui joue à deux écrans en même temps, un à côté de l'autre. Ton vaisseau est à gauche mettons, puis à droite t'as un point qui représente ton vaisseau à gauche, puis tu peux warper d'un à l'autre. Puis les deux levels en même temps sont pas pareils. Fait que des fois tu warpes d'un côté, là tu vois qu'il faut peut-être te placer en haut dans un trou qui n'est pas accessible sinon. Fait que tu vas te placer d'un bord, tu warpes en dessous, tu reviens. T'as besoin de deux écrans Switch? Non, c'est un écran qui est split en deux sur la Switch. Ce jeu-là... Ça tombe à la cool. Ah, c'est excellent. C'est un bullet hell. Puis ce jeu-là va vous briser le cerveau plus ça va avancer. Parce qu'à un moment donné, tu comprends plus rien ce qu'il faut que tu fasses. Faut que tu warp d'un bord, warp de l'autre. Oups, il introduit une mécanique que ton vaisseau peut aller à reculons pour tirer par en bas. Fait que là, tu peux ouvrir des portes en tirant par en bas pour aller dans des portes en haut l'autre côté. Fait que là, ça va vite. Puis en plus d'être bullet hell, c'est un excellent défi. Il y a juste un esprit supérieur comme le tien qui est capable de gérer. Je suis pas rendu bien loin encore, je dirais. Julia Roberts avec les diagrammes. Il y a une raison pourquoi je l'ai pas streamé encore celui-là, puis c'est parce que je suis pas prêt encore à streamer. Ouais, c'est ça. Les qualités sont pas là encore. C'est bon ça, un homme qui pense à son public. Là. Ouais. Je suis surpris que t'aies pas parlé du jeu de chasse. Non, il faut pas faire partie de mon top 5 cette année. Non, mais dans tes mentions, là. Ben non, pas dans les mentions. J'ai eu un bon moment avec Ellie au WEG, mais ça s'est arrêté là. J'ai pas rejoué après, malheureusement. J'ai eu un sacré bon moment à regarder ça puis à être bien, juste de voir la nature. Non, mais c'était relax. Ça me détend. J'aurais pu parler de jouer à Picross à 2h du matin aussi, mais je le ferai pas. Oui, t'aurais dit. Non, mais tu peux le mettre dans tes mentions. Mais ma mention concernant les nouvelles, c'est que cette année, PlayStation VR ont atteint les 2 millions d'unités vendues. Donc, je pense que cette année, c'était l'année du VR 2017. Ils ont en haut de 100 jeux sur PlayStation VR. Steam, ils en ont plein. Beaucoup de crapware, par exemple, sur Steam. Mais 100 sur PlayStation, c'est quand même beaucoup. 2 millions d'unités, bon. Je suis vraiment surpris, en fait. Ouais, moi aussi. En espérant que ça continue. Là, ils baissent le prix pour les fêtes. Fait que si t'es prêt de flancher, tu vas peut-être flancher. Je pense qu'il est tombé à 2,99, ce qui est quand même un bon prix pour PlayStation VR, je pense. Oculus Rift a baissé, HTC Vive ont baissé, ils ont un casque indépendant qui s'en vient. Microsoft ont fait des genres de casques un peu moins chers aussi qui ont commencé. Je sais qu'Eli a joué avec, puis il peut jouer avec nous autres. Donc ça, les solutions moins chères s'en viennent. Donc c'est ça. Puis pour 2018, le studio, on espère. Ouais. On en a pas reparlé depuis que j'avais dit que j'avais vendu. Il y avait une clause sur mon offre d'achat qu'il fallait qu'il passe au financement. Ça va passer, c'est pour ça qu'on est encore assis ici en 2017. Mais bon, on a dit tantôt en pre-show, mais les Patreons nous ont donné un méchant bon coup de main cette année pour la technique. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire un studio prêt. Ben ouais, il y a du nouveau gréement que je connais pas. Tu m'expliqueras ça après le show. Le switcher de caméra dans le fond, c'est avec ça que je contrôle maintenant. C'est incroyable. C'est fou, je veux que tu m'expliques ça. Je vais te montrer ça tantôt, Dom, mais ouais... On espère, ça va faire 2 ans que je suis en vente, fait que j'espère vendre en 2018, là, mais... Hey, come on, les Patreons, gâter JF et acheter son... On va partir avec Kickstarter pour acheter le condo, puis après ça, ouais, on risque le feu dedans. Puis... On va faire une vidéo triste, là. Pogner les gens par les émotions. Mais bon, ça s'en vient, on espère. Les anges de la rénovation. Jean-François, robe de chambre avec une toast. Plus capable. Eh bien, sachez que, bien que je déménage, c'est la première fois que je bâtis, je pense, c'est le studio, fait que ça sera pas long, ça va être prêt. Ouais. Faudrait défaire les boîtes de chambre. Non, le studio, Studio first, house second. Frigo à bière, étagère à Doritos. Ah, tout va être là. Comme un dépanneur, c'est-tu, dans le cadre. Pre-show en VR, ça va être égal. En discussion. On va chacun se faire faire une robe de chambre. Ah ouais? Avec nos initiales. Quand on va arriver, on va se mettre en bobette, puis on va mettre nos robes de chambre, puis on va arriver. Puis on va tous avoir des foulards de cou. C'est dans la robe de chambre. Quand t'as ça avec une robe de chambre, tu sais que t'as réussi. Ça serait ça. Ils seraient tous accrochés sur le crochet. Avec nos talons. Wow. Comme des pompiers ou Ghostbusters, je sais pas quoi. Il y a la musique de Monsieur Rogers qui joue. Tu sais, t'arrives, là, tu mets ta robe de chambre. Chacun nos tags avec un petit logo de manette en dessous. Avec des verres fumés, toute l'équipe. Soit ça ou des chemises de bowling, ça pourrait être pas pire aussi. Ouais, c'est ça, des affaires de même. C'est là qu'il va aller l'argent du Patreon en 2018. On a pas des uniformes. Et on va déjà les avoir. Pour l'hospice des vieux Arcade Soleil. Ouais, exact. Arcade Soleil. Arcade Soleil. Se préparer, on s'en va là tranquillement, pas vite. Ça y va. Lentement, mais sûrement. Fait que c'était mon année en gaming. Wow. Bravo. JF qui a assuré plusieurs duties cette année, quand même. Félicitations. Merci beaucoup. Ça, c'est 5 autres podcasts. C'est la gestion. En plus de tout ça, il goal ce GF là. Goal en tabarnouche. Ma résolution 2016 à la fin d'année, c'était d'être moins fatigué à la fin 2017 et je n'ai pas réussi ma résolution. Je pense que je suis plus fatigué que je l'étais. Ouais, ben on va tout le temps être plus fatigué, man. Toujours depuis ça. C'est un but sans fin. C'est une pente sans fin. Non, mais on parlait de robe de chambre tout à l'heure. Puis, ça me donne un petit frisson. Là. Ça fait passer, man. J'ai tout le temps besoin de m'enrober dans des couvertes de polar. Ah, man, moi aussi, des couvertes, temps, des oreillers partout autour de la temps. Tête. Ah ouais. On dirait j'aime que ça douillet. J'aime plus avoir froid. Ouais, je suis super douillet. Hey, j'utilise la fonction bain chauffant dans mon char. Ah, moi aussi, comme faible, tu sais. C'est le fun. Je peux même plus m'asseoir dans la fraîche, là, tu sais. Ah, j'ai faux fesses. J'ai comme besoin de ça. T'avais-tu commencé en novembre à l'utiliser? Non, mais l'été aussi, t'as la fraîche dans le cul aussi pendant qu'il fait chaud. Ça existe-tu? Oui, j'ai ça dans mon char. Ah, allez, quand même, t'as un refroidisseur de crack. Un refroidisseur de crack. Mais faut que tu t'avances un peu pour que ça fasse effet, sinon ça... C'est ça n'a pas de place. Ça rentre pas. C'est ça rentre. Je savais que ça allait chirer dans le temps. Bruno, il conduit à une main, il lève une fesse. Ouais, il lève un peu. Juste pour faire circuler l'air. Il se rentrer l'air. Ah non, c'est fantastique, mon gars. Ça s'accroche en tabarnak. Kia sont en avant sur le temps. Là. Ils comprennent les besoins des consommateurs. L'Américain moyen a chaud à arrêt. Exact. Ces gros lards là qui ont la raie crémeuse. Il faut faire quelque chose, les gars. Les porte les cup holders sont comme deux fois plus gros pour les formats super size. Comme la Homer. C'est vrai. La Homer. Canyon Marrow. Hey, on est en train de bifurquer. Ben oui, c'est ça. On était rendu quasiment à parler de Vary Barry Kentucky. Ben oui. Faut changer. Faut arrêter. Yes. Bon, hey, vas-y, là, un peu de enchaîner avec mon on est rendu à Nick. Hey, Nick, lui, un peu pire top. Donc, moi, en effet, fait que je vais commencer numéro 5. Tu sais, un jeu qui m'a surpris. J'ai fait de la critique ici. Oh. Je pensais pas aimer vraiment ce jeu-là. Mais moi non plus. Puis. Tu sais, je reviens une fois de temps en temps, puis, tu sais, là, ils ont rajouté une couple de persos gratuits, là. Puis, tu sais, ils avaient rajouté le boss Max Brass. On parle de Arms en passant. Arms, c'est pour ça que je l'écoute en radio. Excusez-moi, donc on parle de Arms à la Nintendo Switch. Et donc, c'est ça, c'est un jeu de combat différent des autres jeux de combat que vous avez joué. Vraiment, tu sais, la petite twist Nintendo, le fun, le design des personnages est intéressant. Tous les personnages ont des attaques différentes. Varié. Puis, il y a aussi possibilité d'upgrader les points. Dans le fond, le concept du jeu, c'est vraiment tu as des bras élastiques, puis tu lances des coups de poing avec tes bras élastiques. Mais tu peux changer ce que tu as comme point pour faire des... Il y en a qui lancent des lasers, il y en a d'autres qui vont donner des coups avec une espèce de hook. Tu sais, c'est vraiment varié. Puis, très cool. Le online est intéressant. Le seul bémol de ce jeu-là, c'est que pour les trolls, il n'y a pas vraiment d'escape intéressant. Mais c'est pas grave. C'est vraiment le fun. Ça, c'est un jeu de party aussi. Quand tu joues contre quelqu'un en local, c'est malade, le fun point. Il y a du support continu. Mon gars, sont rendus à version 5. Là. C'est ça. Puis, ils ont, sérieusement, là, depuis qu'ils ont sorti le jeu, ils ont sorti un bonhomme qui s'appelle Springtron, qui est comme un petit robot. Max Brass, le boss. Lola Pop, qui est un clown. Ah, freaky, parce qu'il n'y a, pas assez de clowns dans les jeux modernes. Là, Arms, ils ont dit, hey guys, faut ramener ça. C'est ça. Puis Misango, qui est comme un aztèque assez cool aussi. Fait qu'il y a du support, puis c'est vraiment une approche, le fun, puis ça brise des petits DLC, puis des affaires. T'sais, c'est vraiment. T'achètes le jeu, t'as un bon package, il donne des affaires, puis c'est le fun. Fait ça que, me fait drôle, Arm, parce que c'est comme un jeu de combat, mais slow. Je suis pas habitué à c'est ça, pas tout si est vite, trop t'sais. Rapide. Ben, c'est ça, mais c'est pas si... Mais je pense pour ça que c'est accessible, mais c'est quand même très technique, t'sais. Oh, tu oui, peux vraiment. Bloquer les attaques, tu peux te tasser, esquiver, faire des choses. C'est un très bon jeu. Si vous avez une Switch, puis possiblement que t'sais, les prix vont commencer un peu à descendre, allez-y, t'sais, c'est un jeu le fun. Vous allez avoir du plaisir. T'sais, une bonne dose de le fun un peu naïf là, t'sais, c'est vraiment cool. Oui. Ce que j'aime de ce jeu là aussi, c'est que j'aime le branding de la ligue. T'sais, la ligue a son logo. Quand lorsqu'on vient de voir passer, il y a un petit logo. Ouais. Ça fait officiel, ça fait vrai. Ouais. Les vêtements des personnages, c'est comme à la mode là. T'sais. Exact, tout à fait. Puis ils ont leur langage aussi. C'est comme une fonte qu'on n'est pas capable de lire quand tu vois des logos. C'est ça. Non, c'est j'aime ce look là. Ouais, mais c'est une touche. Tu vois tout ce qui est en 45, là, les affaires en tu sais, la direction artistique est nice là. C'est cool. Ah ouais, beau. Puis tu sais, ils avaient commencé un peu avec Splatoon, puis ils ont bien continué là, exact, quelque chose. Exactement. Ouais. C'est vraiment le fun. Mais c'est plus beau que Splatoon, à mon moi, avis. Moi, je trouve ça plus beau que Splatoon aussi. Ouais. Ben, en tout cas, très beau. Fait on va aller avec Splatoon. C'est très beau. C'est de toute beauté. Ouais. Oui. Là, on va aller avec le jeu numéro 4. Ça, pour moi, c'était impossible de pas le mettre dans mon top. Regardons ça. PlayerUnknown's Battlegrounds. Ce jeu-là, c'est littéralement une tornade dans l'univers du jeu. T'sais. Techniquement, si vous avez joué, si vous êtes un joueur qui joue en ligne, c'est impossible que vous n'ayez pas essayé ou entendu parler de ça. Un de vos chums, « Hey man, c'est malade, c'est carré, essaye ça. » Et c'est pour une bonne raison. T'sais. Ce jeu-là est brisé techniquement. Il a commencé à être... Quand il était disponible, c'était un early alpha. C'était tout croche. Le gazon, man, c'était comme des mauvais polygones. T'sais. Ouais. Mais automatiquement, le fun était là. Puis... Dans le fond, le concept, c'est le concept de bataille royale. Donc, tu t'en vas dans un avion avec d'autres gars, genre 99, puis tu te fais dropper, puis tu décides où tu vas atterrir, puis là, t'atterris, puis là, tout de suite, il y a de l'action. Si t'atterris à côté de quelqu'un de toi, ben là, t'as pas encore trouvé d'armes ou quoi que ce soit, fait que tu le tapoches. Fait que là, ça commence vraiment intense. T'sais, là, tu peux tuer le gars à main nue ou te sauver pour aller te poigner un gun et essayer de revenir le buter, tu sais. Ouais. Puis le but est très simple, tu dois être le dernier survivant. Fait que ça a un petit twist un peu Hunger winner, Games. Winner, chicken dinner. Ouais. Fait que tout ça. Et c'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est pas compliqué. C'est juste une île. Tu joues tout le temps la même map. Puis là, le jeu te force à... Il réduit les zones disponibles. Puis si tu restes dans les zones qui sont maintenant, je dirais, interdites, ben, t'as du dommage. Fait que tout le monde focus vers un point. Fait que même si t'es 100 dans la map, ça va assez vite. À un moment donné, tu te ramasses à 8. Puis là, c'est comme... c'est du gros combat close range. Et tu peux te faire buter le premier, puis ta game te dure à peu près une minute, et tu continues à faire une autre game vraiment rapidement. Ah, c'est un flow. C'est important, ça. Ouais. Ça, c'est une caractéristique très importante pour les papas qui nous écoutent, parce que une game de PlayerUnknown's Battlegrounds, tu sais, ça peut être très rapide. Tu sais, comme ta plus longue game a duré une demi-heure, mettons, tu sais, fait que t'as quand même une bonne dose. Puis techniquement, ça veut dire que tu t'es rendu à la fin. Fait que si t'es pocheton puis tu commences, tu peux clairement faire une vingtaine de games dans ta demi-heure. Fait c'est honnêtement le jeu où est-ce que plus t'es poche, plus t'as de fun. Parce que c'est là que tu gagnes le plus généralement. Ouais, puis tu parce commences. Parce que si t'es bon, mais tu survis trop longtemps, puis là finalement tu te ramasses que t'es comme. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un phénomène. C'est une petite compagnie indépendante dans le fond. Pas indépendante, mais c'est une compagnie. Qui a comme finalement fusionné avec une compagnie coréenne. Puis, tu sais, le gars, dans le fond, PlayerUnknown, c'était un dude qui avait fait un mod d'Arma 2 qui avait modé DayZ. Fait que c'est un mod d'un mod qui est devenu un jeu incroyable, un succès international. Puis, cette affaire-là, vous avez pas fini d'entendre parler parce qu'il est là, il releasait, tu disais. Il est sorti la semaine dernière sur Xbox One, mais en version aussi. PC officiel aujourd'hui, ouais, je pense. La version PC, donc je pense que la version PC, en fait, avait deux maps maintenant. Plus, je pense qu'il y en a une troisième qui sort avec la version 1.0 demain. Bon, fait que c'est demain, donc c'est demain. Demain, tu mais, veux jouer à ça. Fait qu'on va en entendre parler de ça un peu comme Counter-Strike pendant des années. Là, fait que, mais excellent jeu, essayez-le. Pour tout fan de PC, attendez avant d'acheter l'Xbox un petit peu. Mais, ouais, l'Xbox, c'est quand même plaisant, mais c'est pas aussi doux. C'est pas aussi doux. Alright. Troisième jeu, je vais vous parler de... un autre jeu Switch, Super Mario Odyssey. Of course! Donc, c'est... Tu sais, on avait tous vu les fameux teasers de Mario. Puis tu sais, on était comme Mario dans le vrai monde, Mario le chapeau, c'est quoi ça? Ouais. Moi, j'y croyais plus ou moins, mais j'ai quand même confiance à Nintendo. Puis là, quand j'ai joué à ça, je suis comme, oh wow! C'est un peu comme un mélange du Mario 64, un peu plus sandbox, mais les contrôles tight d'un Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2. Ouais. Puis tu sais, c'est tellement varié. Tous les mondes sont différents. C'est vraiment le fun. Tu peux habiller Mario pour la première fois. Fait qu'il devient ta petite poupée de papier. Oh. Donc, il y en a beaucoup qui ont voulu ça depuis plusieurs années. C'est une demande récurrente des fans de Nintendo, tu sais. Alors, il nous a donné exactement ce qu'on voulait. Je dis n'importe quoi. Ouais, c'est comme un trip facile, ce jeu-là. Mais clairement, là, ça change. C'est sûr que c'était vrai. C'est n'importe quoi. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que tu peux habiller Mario comme une poupée de papier. Ouais. Puis, tu sais, c'est je pensais vraiment... que les fans demandaient ça pour vrai. Non, mais je le sais pas, en fait. Peut-être. C'est pas ouais, si. Mais c'est super, t'sais, c'est vraiment bon. Puis tu sais, les mécaniques, là, t'as toutes les mécaniques qui marchaient dans Super Mario Galaxy, puis en rajoute une avec le chapeau, ça marche bien, tu prends possession de grosses choses. Puis c'est vraiment un de ces jeux vidéo qui te rappelle pourquoi t'es un gamer. T'sais, pourquoi tu joues à des jeux? C'est pour avoir du fun, puis ça, c'est juste du pur fun. Yeah. Drop voilà. The mic. C'est ça, exact. Ça m'écoeure quasiment. J'ai quasiment envie de pleurer. Tu peux plus enchaîner avec rien d'autre. Faut que ça soit meilleur que ça là, à la suite. Donc, l'autre jeu, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. Switch, la version chère. Ah ben ouais. Ouais, la version... la version chère. On voit qu'il y en a qui ont techniquement, je dis ça comme ça, mais ça va être la génération, sûrement la version Wii U qui va valoir beaucoup plus cher pour les consoles parce qu'il y en a eu moins. Donc, ça y est. En même temps, il y a beaucoup de digital sur la Switch. Fait que les deux. Gardez les deux. Il y a beaucoup de... Fait que ça, c'est ça qu'on voulait. En fait, c'est le jeu qu'on aurait voulu sur la Wii U, genre le 3 ans, puis qu'on n'a jamais eu. Qui aurait sauvé la Wii U. Qui aurait sûrement sauvé la Wii U, en effet. Mais qui est sorti, puis moi, je m'attendais à rien de moins que ça. Un Zelda moderne. Un setup moderne, mais en gardant la touche Zelda, tu sais. Puis... On a beau critiquer certains aspects, comme là, vous avez vu un arme qui brise à l'écran, qui est au début l'aspect le plus, je dirais, difficile. Mais à un moment donné, tu t'habitues, puis c'est devenu genre une routine. Fait que tu fais juste attention. Mais le look de Zelda, le cel shading, le fun, les puzzles, comme tu as dit, physique. Tu sais, l'exploration. Moi, c'est un jeu où tu commences à... t'en vas voir là, quelque chose, puis là, finalement, tu ramasses à chasser des chevaux sauvages. Ou, tu perds le genre, focus tout le temps. Tu vas aller bûcher du bois, tu sais, puis... Mais sans aucun... Tu sais, comme, il n'y a rien de mal à ça. Tu fais juste sidetracker, tu sais. Si t'avais un déficit d'attention, un très mauvais jeu pour moi. Tu allais juste tout le temps partir. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Finalement, tu fais jamais ta quête. Ganon ne sera jamais anéanti. Wow. C'est ça, mais vous allez avoir du fun. Utile, ça, avec mais les enfants. Vous allez vraiment avoir du plaisir, tu sais. À faire toutes ces choses qui n'ont pas rapport avec la quête. Mais éventuellement, sérieusement, un jeu qu'on a attendu très longtemps et qui a définitivement livré la marchandise. Puis, tu sais, toutes les reviews qu'on a vues en début d'année là, qui étaient Perfect Game, ils ont raison. Ouais. Là-dedans, les contrôles, l'exploration, le pace et ce que tout le monde aime, si vous êtes un gamer moindrement old school, c'est, ils te prennent pas par la main pour tout te montrer. C'est genre, hey mon gars, tu vas découvrir puis tu vas crever une couple de fois dans le processus, puis un moment donné, tu vas être bon. Fait que chapeau à l'équipe de Zelda. Bravo. Yes. Bravo. Yes. Bravo. Donc là, j'y vais avec mon premier Xenoblade Chronicles 2 à la Switch. Holy shit. Fait que ça, dans le fond, là, c'est exactement le jeu que je voulais d'une suite de Xenoblade Chronicles. Le X m'avait plu, mais moins que ça. C'est vraiment, c'est pas un jeu qui a l'air de sortir en 2017 là. C'est, ça a l'air d'être un jeu pas si beau. Ben ça pourrait quasiment être un jeu, on en parlait Bruno et moi, PlayStation 2 au niveau du concept de jeu, mais c'est pas grave, les combats sont excellents. Moi j'aime les personnages, le concept des blades là, tu peux varier tes personnages à l'infini parce que tu te bats avec des blades qui vont faire qu'à un moment donné tu vas devenir un attaquant, après ça tu deviens un tank. Mais c'est comme le Golden Era de la PS2 du JRPG. C'est Monster War, Monster Hunter, pas mal. C'est plus que ça, quand même. Parce que tu fais pas juste chasser des monstres, t'as quand même une mission principale qui est comme une quête, puis qui a une belle histoire. Moi, je la trouve intéressante. C'est le fun, c'est ultra japonais. Et j'ai downloadé les VO en japonais suite à l'épisode. Et c'est magique, c'est gratuit d'ailleurs. Là. Donc, vous avez vraiment la bonne expérience. Ça, c'est la fille. Ah ouais. Exact. Alors, vraiment, vraiment un super jeu. Je vous le conseille, vous avez une Switch. Présentement, là, j'ai plus d'une cinquantaine d'heures, je sais pas, 56, 58. Puis il y a Jane Fett encore. Et je pense que, honnêtement, je dois même pas être à moi. Quel tutoriel? Quel level? Qu'est-ce qui va se passer, man? Honnêtement, je check même pas mes 800. Niveaux. 800. C'est 30, là, quelque chose c'est de même. Ça, je sais pas moi non plus jusqu'à quel niveau. Mais je suis moins loin que toi. Là. Le niveau est moins important dans ce jeu-là. Puis comme j'ai dit, il y a des façons d'aller chercher des niveaux. Mais c'est vraiment le fun. Pour le plaisir de jouer un Japanese RPG qui est vraiment bien fait. Des personnages attachants. Puis, pour ceux là, que, mettons, on va parler des gens là, qui veulent avoir du bang for the buck. Ce jeu-là, là, c'est, ouais, ça, c'est en plein ça, là-dedans. Ouais. Là. Vous allez avoir du fun. Puis, tu sais, je regarde ça, puis il y a tellement une expérience variée. Là. Vous êtes tanné de jouer avec votre perso. Vous changez le blade. Puis là, c'est une nouvelle expérience. Donc, super jeu. Ouais. Je vais continuer de jouer longtemps. En fait, en 2018, et moi là, comblé. Vous avez vu que la Switch m'a séduite. On va commencer dans le Varia. C'est la console de l'année pour moi parce que ils sont tellement revenus forts et c'est ce que je souhaitais de Nintendo. Ouais. Moi, je les aime profondément. Puis tu sais, ils n'ont pas eu le succès qu'ils ont eu besoin pour la Wii U. Puis je comprends pourquoi. Peut-être problème marketing. Ouais. Le line-up n'était pas nécessairement là. Pas de Zelda. Fait qu'il y a un paquet d'affaires qui a malheureusement pas accroché, mais là, la Switch, exactement ce qu'un gamer comme moi voulait. Une expérience excellente dans ton salon, puis t'es capable de l'amener peu importe où, dans l'autobus, dans ton divan, dans ton lit. Alors, ben, j'étais à pratiquer l'affaire. J'étais à faire l'amour quand tu peux jouer à la Switch. De mon gars, je me disais, Chris, si j'avais une Switch, je pourrais jouer direct là. Exact. Tu pourrais geler dans les arénas. Ben oui. On en a même parlé en plus. On en a parlé en pre-show. Chris, c'est vrai. Il y a tellement de bons jeux là-dessus. Moi, je suis sur le bord de flancher. Ben écoute, puis en plus, les indies, toutes les indies se dirigent vers la Switch. Ils ont des copies physiques en plus. Il y a plein de schmop en plus là-dessus. Je sais. Hey mon gars, dans ton étagère, toutes les belles rouges. C'est tout petit, mais ça prend pas trop de place. La rouge. Ouais. Ah, mais c'est cher, cette affaire-là. Ah, écoute, t'achètes des affaires plus chères que des jeux de Switch. J'ai pas besoin d'ajouter des affaires sur ce que j'achète. Quand tu payes un jeu Atari 180$, t'es un petit lousse pour ça, mais ça fait longtemps que je peux acheter un jeu Atari. Une Switch ou bien un kit Dracula au Game Boy? Ouais, ça, il est rendu 500 US. Pense à ta famille. Pense à tes enfants. C'est un leg que tu vas leur donner. Ouais. Là, moi, je vais faire mes mentions spéciales, en fait. Yes. Tu sais, dans la vie, il faut vraiment pas avoir de regrets, mais un gamer papa qui a moins de temps, des fois, il peut pas jouer à tout ce qu'il voulait. Tu sais, puis je vais être franc. C'est pas que j'ai pas eu le temps de gaming, j'ai peut-être triché à jouer des jeux que je jouais déjà l'année passée. Tabarnak, j'ai continué à jouer à Street Fighter en ligne. J'ai continué à jouer à Overwatch au PC. Et je suis comme un petit peu retombé dans League of Legends à temps partiel. Ça a fait, ça a bouffé beaucoup de mon temps de gamer que j'aurais pu faire. T'as le droit, man. Essayer tous ces jeux que je vais vous lire. T'es pas payé. Mais qui ont mon intérêt total. Donc, Evil Within 2. Ah, tellement, mon gars. Nier Automata. Horizon Zero Dawn. Persona 5. Tekken 7, que j'ai essayé très brièvement. J'avais joué d'ailleurs avec Jonathan Zeph au jeu de bowling au Weekend Gaming. C'était excellent. Ouais, c'est fucking un jeu de bowling. C'est vraiment le fun. Ça, vraiment, vous l'aviez dans Tekken. Ouais. Ça vient avec. Moi, je pensais que c'était un standalone. Ouais. Non, ça vient avec. Shit, j'aurais voulu jouer à bowling. C'est un mode. Donc, puis Metroid Samus Return que j'ai pas assez touché. À peine, je l'ai effleuré. Cuphead. Il est dans mon Steam wishlist, puis hey, il est-tu assez. Je l'achète dessus, je sais pas. Mais je vais l'acheter éventuellement. Valkyria Revolution, que j'ai acheté comme. Puis que j'ai pas ouvert finalement. Tu sais, j'avais un week-end, je me disais, hey, ça va se passer là. Je vais jouer à ça, finalement, je l'ai pas ouvert. Ouais, t'as même Instagrammé le jeu. Tout était seté, man. C'était là, je vais jouer en fait, finalement. Tu sais, quand ton week-end va pas comme prévu. Finalement, là, toutes les. La gastro, la gastro grippe. C'était installé. Toutes les ratings sont sortis, puis c'est un jeu finalement qui a un rating horrible. Ouais, c'est épouvantable. J'avais là, j'ai dit, ben, je vais pas l'ouvrir si je le revends, je sais pas. Ouais. Wolfenstein 2 de New Colossus, yes. Que je possède aussi, puis que j'ai pas encore joué. Et. excusez-moi, Mass Effect Andromeda, que j'ai travaillé dessus, et j'ai pas encore joué. Donc, on me dit Il y avait juste à pas te mettre dehors, ce style. Non, mais je suis parti. Ah, moi, et on m'a dit que le jeu, une fois que le dernier patch a été fait, est quand même assez intéressant. Ouais. Donc, je vais m'essayer. Aussi, maintenant, il marche les deux pattes en avant. Donc, ouais, c'est... ouais, il y avait des petits bugs, mais anyway. Donc, j'ai vraiment envie de l'essayer. Et finalement, parler de cette grosse année. Grosse année un peu bizarre. Je suis passé de citadin urbain branché à banlieusard déconnecté. Ouais, vraiment. Exact. J'ai passé de genre, hey, je fais du. Je vais voyager à vélo à genre, je prends mon char, je prends 10 livres, tu sais. Puis j'ai changé de job deux fois dans l'année. Ben j'ai dit, hey, guys, je reviens en jeu vidéo. Ciao, bye, rétro nouveau, vous me reverrez plus ici. Puis là, après ça, je suis comme, ouais, finalement, j'étais plus heureux avant, fait que j'ai repogné mon autre job. Puis. Fait que grosse année, bien spéciale. Vraiment. Mais honnêtement, je regrette rien. Non. Oh. Même pas la banlieue, non? Je regrette de pas pouvoir y aller en vélo. Puis l'année prochaine, je vais m'essayer là, de Boucherville à Montréal. Ça se fait, même si je vais arriver en swamp, ça va être bien désagréable pour tous mes collègues de travail. Je vais m'essayer. Nick, l'année prochaine, moi pis toi, faut qu'on va perdre les 10 livres reçus avec le champ. Bon, moi, j'ai plus que 10 livres à perdre, là. Moi, avec, sérieux, faudrait que je perde un 5. Faudrait rétro nouveau CrossFit team, là, quelque chose. Ah, ouais. Hey, je l'ai. Squat en goals. Pré-show, on fait juste jouer à Wii Fit tout le temps. Ouais, ouais, c'est ça. Ça serait le bon moment de la fin. L'année prochaine, on remplace les Doritos par des chips au kale. Ah, c'est 5 heures, ça. Je vais vous faire jouer en VR à Soundboxing avant les shows. Vous allez haïr votre vie après ça. Ah ouais, l'année prochaine, des crudités. Ce serait malade pour boire du petit vin. L'ami, comment c'est la Michelob. C'est moins lourd que là-dedans. C'est pas une commandite là-bas. Ça. C'est la prochaine commandite, les boys. Michelob Ultra. Commandite d'eau, là. L'eau coconut. Au coconut. Naya. Au coconut. Ouais. Naya ou juste personnel. C'est vraiment poche, là. C'est la go-box de l'eau, tu sais. Ou tu sais, genre, on pogne Evian, mais Evian dit, hey guys, tu sais, la seule affaire, c'est qu'à la fin de chaque show, vous versez de façon très langoureuse la bouteille d'eau sur votre corps en vous frottant. Ah ouais, est-ce que c'est cool? On dit ouais, ouais, on va le faire, let's go. On le ferait tout de suite. Hein, attends, moi je suis prêt à tout. Prêt à all right, fait que c'est ce qui fait un terme à mon année 2017. Mouvementée, mais belle année. Très intéressant. Belle année, yes. Welcome back encore. Fait que là, c'est la pause. On va faire une pause. C'est une pause bien spéciale. J'ai mis de l'effort. Ah pour oui, ça. C'est vrai. Hey, regardez ça. Là. Un 12 minutes de souvenirs rétro de ciné-cadeaux et de toutes sortes d'affaires. Donc, ah oui. Pause et puis on vient pour le top 5 de Bruno et Dom après la pause. Yes. Pour ne rien manquer de rétro nouveau et pour communiquer avec nous, suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez écouter Rétro Nouveau en direct sur Twitch, en différé sur YouTube, via votre ordinateur, votre mobile ou même votre console. Bien sûr, vous pouvez nous écouter également en balado via iTunes, Google Play, Stitcher et RZO. C'est pas ça que je voulais mettre du zoo, c'était non, ça ici. Non, c'est ça, power up. Voilà. Yes. On s'est trompé. Caroline, fait que de retour à ce top de fin d'année 2017. Puis là, il y a le vicieux Dominique Bourret. Vicieux Dominique. Qui va. Esti. Tonton cassette. Des petites cassettes molles à papa s'en viennent, les gars. Patarnache. Bon, fait que je vais partir mon temps, là. Pas ton propre chronomètre. Fait que, chronomètre vicieux. Je veux juste expliquer que, tu sais, je regarde mon top et, tu sais, c'est dur de faire un top. C'est vraiment puis dur. Moi, de la façon que je joue, c'est que je prends les jeux chez nous dans ma bibliothèque puis je les essaye. Ouais. Puis à un moment donné, je passe une bonne soirée avec un jeu puis ça vient, tu sais, la magie du moment vient peser beaucoup. Oui. Mutant Mods, tu sais, au cours des dernières années. Tu sais, des affaires de main. C'est pas un jeu que tout le monde va chier dans leurs jeans. Mais je sais pas. Mais toi, t'as chié dans tes jeans. Moi, j'ai eu crissement du plaisir à ce moment-là. Puis c'était un feel good. Fait que toi, dans le fond, c'est l'éclairage, la bière est là. C'est tranquille chez vous. Exact. L'ambiance. Ben, même pas de bière. T'sais, ben, je vais l'expliquer plus avec mon numéro 1. Là, t'sais, ben, c'est juste pour dire que t'sais, c'est ça. C'est pas. Mais toi, puis moi, au départ, c'était un peu pour ça qu'on a connecté parce qu'on est très émotifs sur nos choix de jeu. C'est totalement ça. C'est juste, c'est le feeling. C'est, on se crisse un peu de la technique. Puis c'est un line-up de jeux qui. C'est ça qui sont pas. J'ai joué à beaucoup de jeux cette année, puis il y en avait probablement des meilleurs que ce qu'il y a dans mon top. Mais ce que j'ai mis dans mon top, c'est ce que, premièrement, peut être intéressant pour les fans et qui m'ont donné des émotions. Des bons émotions, on aime ça comme ça. Alors, dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur. No facts, only feels. Exact. Lasagne. Lasagne. Comme, dur à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Mais comme une glazette aussi. Tu sais, les pizzas de Pizza Hut, il y avait une saucisse dans la croûte. Puis, tu sais, moi, j'aime m'imaginer qu'il y a des saucisses qui existent comme ça, mais c'est des anneaux sans c'est fin. Des anneaux de saucisses. C'est hostie, man. C'est le paradis. Je suis même blonde de savoir que ça existe, des auréoles de saucisses qui n'ont pas de bout. Auréoles de saucisses. Je veux ça dans mon assiette. Tu sais, 2-3 rings. Eh oui. Sausage rings. Il y avait juste. Ça vient d'où ça? Ouais, j'en ai parlé hier dans le participant, c'est pour ça. C'était avec la gérante. Je disais, ouais, tu sais, le patron chaud, tu sais, les saucisses rondes, là. Ils ont pas de bout. Ils sont grosses, là, les saucisses. Fait que dans cette année 2017, Me Too, c'est comme ça que t'as conclu ton parti. Exactement. C'est demain, ça se passe chez Arcane Montréal. Pas de tabou, wow, man. Tabarnouche. Bon, fait que j'ai perdu 2 minutes, donc on va commencer. 5e place, un jeu de NES, et c'est mon seul du top, ça s'appelle Swordmaster. Ah oui! Ça, mes amis, c'est un jeu que... C'est fucké, man. Tu joues à ça, puis... La musique est bonne, surtout celle du premier niveau. Le sprite, il est cool. Tu sais, tu frappes des coups d'épée, ça... C'est plaisant. Oui. Mais... Qu'est-ce que tu meurs? Le premier niveau, man, tu meurs. Là, je me dis, c'est pas vrai qu'Éric Théroux a fini ce jeu-là. Puis que je meurs de même comme une marde. Fait que c'est un jeu qu'il faut que tu grind, man. Faut que tu recommences. Tu vas tellement recommencer ce jeu-là. Et il est bien fait pour une chose. Quand tu recommences, même quand t'es game over, tu gardes tes niveaux. OK. Fait que au début tu meurs beaucoup parce que t'es pas fort, mais après ça quand tu meurs plus loin dans le jeu, ben t'as tous tes niveaux quand tu recommences. Okay. Donc les premiers niveaux tu blastes ça là all the way. C'est pas un jeu parfait vraiment, loin de là au niveau des contrôles. C'est pas brisé, mais c'est weird des fois. C'est un peu stiff. C'est stiff un peu. C'est raide à l'image du gars qui est bien raide dans les airs, comme on le voit présentement. Et puis, c'est un jeu que, je sais pas... Plie pas les genoux. Fuck les genoux. Puis aussi, tu vas voir, je sais pas s'il va le faire, là. Non, le saut, il est... Hey, le saut, il est dégueulasse. Il a l'air lourd. Je me suis rendu compte que... il a changé, puis tu changes pas en ce personnage de marde-là, sauf une plage, je l'utilisais pour un boss. Puis il y a le saut, faut que tu te laisses tomber dans le vide, tu payes sur jump, puis il y a des places, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais calisse, man, comment tu veux que je devine ça? Ouais. Quand j'ai découvert ça, le jeu s'est ouvert complètement. Fait que je mourrais pour rien. Donc, pas un jeu facile, mais j'ai été surpris. Puis à la fin de l'aventure, quand je l'ai finalement fini, j'ai dit, Chris, man, j'ai aimé ça regrinder, ce tabarnak de jeu-là, puis le honner, là, tu sais. Nice. Donc, ça, j'ai bien aimé ça. Numéro 4, Jean-François, lâche ta bière. T'es déjà rendu. Oh yeah! Oh man, Overcooked! Ah ben quoi, t'avais mis dans tes mentions. Squid-lady. C'est qu'on a joué au WEG à ça et puis écoute. T'as pas joué au WEG à ça, Dom, t'as travaillé au WEG. T'as dirigé en fait. C'est ça là! Ah non, c'était malade. Et puis, à part l'intro du début, justement, que ça, c'est le genre de tutoriel crissement en lait. Qui c'est qui a mis une tomate à terre? Comment ça? C'est-tu que tu viens chercher mes steaks? Mais non, reste à ton bord! C'est un jeu qui se joue en équipe ou seul, mais nous autres, on a juste joué à 4. Donc, l'émotion était vraiment au rendez-vous. Palpable! On s'engueulait, puis tout ça, puis c'était mémorable. Ça a quasiment fini en bataille dehors. Exact. Ouais. C'est le pressure cooker moderne, là, si on peut dire. C'est le jeu vrai, d'Atari que je parle. Mais, tu sais, comme poussé très loin, avec les cuisines qui se défont des fois, puis toutes sortes d'affaires. Donc, je peux même pas voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer ça dans les derniers niveaux, là, parce que c'est vraiment... Ça. Quelque chose. Ah, ben, c'est rough. On est encore au début, puis c'est rough. Là. Exact. C'est trop rough, trop vite. Ouais. Il devrait être plus permissif au début. Parce vraiment? Que la satisfaction de rouler ton équipe, tu sais, tout le monde en vient. Ouais. Yeah, man, tu tapes dans les mains, c'est quand même ouais, bon, c'est une grande réalisation. C'est vrai que c'est rare des jeux où est-ce que tu te fais tellement des high-fives aussi honnêtes. Ah, ouais. C'est très. Ah, mais c'est parce que c'est intense, puis t'as des feelings intenses. Exact. Dom te rabaisse, puis là, après ça, quand il dit un succès, t'es tellement content. Que... Ah non, comme... moi, c'est le même que je dirige. Ah, ouf, il est plus fâché. La façon industrielle de avec la gazette roulée, puis là, à la fin, il donne une gazette. Travaille, Asti. Fait que c'était mon numéro 4. J'ai bien aimé ça. Et puis, si j'avais les plateformes pour, il y aurait ça chez nous, c'est sûr. Je conseille ça. T'as acheté une Switch, man? Ouais, là-dessus. Oui, là-dessus. Puis les Joy-Con, tu peux avoir 4 pas mal plus facilement. Exact. Jouer en tout temps, n'importe où, rider du monde. Chris. OK. Rider du monde. Que! Ouais, c'est ça. Fait que troisième place, Jean-François, Metroid Samus Returns. Ouais. Oh. Tu sais, quand je dis que c'est pas nécessairement les meilleurs jeux, mais les jeux dans lesquels j'ai passé du temps puis que j'étais bien, tu sais. Ça m'a. J'étais à maison en jouant à ça. Et puis c'est pas fou. Surtout visuellement, tu sais, c'est pas malade du tout là. Mais les mécaniques sont le fun. C'est un vrai de vrai Metroidvania. Qui a un bel hommage à l'original d'ailleurs. Ouais. À ce qu'on en a parlé sur le show. Ben oui. Et puis, répétitif, tu sais, quand même, là, tu fais pas mal tout le temps les mêmes affaires, tu es les mêmes bébites, tu sais. Mais c'est ça la vie, un peu, toujours faire les mêmes affaires. T'as tellement raison. Tous les matins, je fais des déjeuners routinier à mes enfants. Mais je me suis plu là-dedans, puis la satisfaction du Metroidvania est là. Ouais, là, c'est ça. Vraiment, là. Et puis, c'est joli à la fin. Samus est badass aussi, là, tu sais, là-dedans. Dans les cinématiques, plus vers la fin aussi, on le voit plus. Il y a quelques boss nouveaux qui ont ajouté, qui méritent quand même un peu de... Donc, on leur dise bravo, tu sais. Ah oui. Des belles machines. Ils ont rajouté des affaires. Fait que moi, je conseille ça aux gens. C'était un achat... J'avais hâte d'acheter ça. J'avais hâte de voir de quoi ça avait de l'air. Puis, j'ai été pas surpris. Mais satisfait. Exactement. Ouais, exact. Ça faisait la job. Ça faisait la job. C'était comme un bon plombier. T'as coûté cher, mais crime, il a fait la job comme tu voulais. Exact. C'est vrai qu'il coûtait cher. Ou un pâté au poulet. Ouais. Ça coûte à attendre, mais écoute, ça fait. C'est jamais très excitant, mais c'est tout le temps bon. C'est ça. Mais c'est excitant, ça, pareil, par exemple, qui ramène c'est un Metroid. C'est plus excitant qu'un pâté au poulet. Je repense à ça, un pâté au poulet, c'est plat en tabarnak. Ouais, c'est ça. Ça prend une petite salade. on s'égare. Rétro kilo. Est-ce qu'on parle d'une salade salade exotique ou normale, tu parles? Salade de pâte. Okay. Salade de pâte. Deuxième place, mes petits cuisiniers, vous autres là. Shinobi 3 Return of the Master. Ça, j'ai eu une. Beaucoup de satisfaction à jouer à ce Strider-esque jeu, man, avec c'est plusieurs Strider, moves. Ça. Ouais, oui, en fait, oui, là, ça dépend lequel, là, mais non, j'ai été totalement pris par surprise par ce jeu-là. Je ne l'ai pas fini dans ma première run, mais j'ai pas hésité là, à remettre ça. J'avais hâte de revenir à la maison pour réessayer parce que je savais que j'allais rentrer plus loin. Ouais. Puis écoute, ça joue super bien, la course, le slash, le dive kick, comme on voit présentement, très utile, comme on vient de voir, excusez, très utile. Des magies très efficaces. C'est Shinobi comme à son meilleur, tu sais. Mm-hmm. Revenge of Shinobi, c'est comme brisé, c'est dur en tabarnak. Ah, c'est dur, ça a pas de place. C'est crissement dur. Shadow Dancer, je l'ai pas essayé encore. Je pense qu'il est plus agréable que Revenge, mais en dessous de ça, Shinobi sur 3DS, c'était dur en crisse. Vraiment. C'était autre chose. Ça, c'est pour moi, ça c'est l'épitome. Là, je sais pas. Oui. Le top. C'est le top du Shinobi. Ouais, et puis, je suis content d'avoir joué au Genesis. Là. T'sais, ça, je passe pas tant de temps sur le Genesis. Je passe souvent au Genesis, c'est vrai. Puis, quand j'ai du plaisir sur le Genesis, je suis très heureux. Oui. Fait que numéro 2, man, pour cet excellent... Musique est hot aussi. Visuellement, c'est beau c'est aussi. Tellement hot, c'est vrai. Badass, tu sais, les niveaux là, de surf là, sur l'eau du Saint-Laurent, comme j'avais dit. Exact. La position du personnage, c'est tout badass, c'est tout bon, man. C'est crissement hot. Et mon numéro 1, The Lords of Thunder. Oh yeah. Parce que quand je parle, tu sais, ça c'est un shmup. Et puis, out of nowhere, je me suis dit, Chris, j'ai acheté ça. J'ai choqué. J'ai eu de la misère à faire deux niveaux. C'est pas vrai, Steve. C'est pas ça. Moi, c'est le même fonctionne. Je me mets en crise contre moi-même. Puis là, je m'installe, puis je le fais. En plus, je l'ai réussi live devant les gens. Fait que de le battre, de le finir ce jeu-là. Donc, j'étais comme fier de ça aussi, tu sais. Je l'ai fait à normal parce que hard puis très hard, mais tu sais, à normal déjà. C'est un bon défi. C'est un bon défi. Hey, c'est Lords of Thunder pour les gens qui nous écoutent parce qu'on n'a pas trop entendu tantôt. C'est marqué en bas. Oh, ça, en audio. Ouais, ouais, les gens en audio. Il y a des gens dans leur voiture en ce moment qui sont dans le trafic. Ouais. Moi, j'ai essayé de prendre des notes sur leur cellulaire, donc Lords of Thunder. J'ai joué à la version Turbo Duo. Ouais. Toi, Fred, tu as acheté la version Sega CD. J'ai acheté la version Sega CD après que tu en aies parlé. Exactement. Fait qu'on pourra peut-être voir un petit comparatif, là. Oui. Moi, j'aimerais l'essayer au Sega CD aussi. Ben, t'es toujours le bienvenu à la maison, Dominique. Exact. Collabo avec Digital Foundry. Hein? Oh, non, parce que la dernière fois, c'était trop next-gen. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, c'est ça. C'est un shmup. Écoute, t'es un personnage avec une épée qui tire partout. C'est très... C'est quand même japonais, mais pas trop. La soundtrack, metal, t'sais, la grosse guitare. Ça, c'est crissement hot. Non, c'est un grand shmup, sérieux. Puis je conseille à tout le monde d'essayer ça. C'est très important. Ah, écoute-moi, quand tu l'as parlé, là, je l'ai acheté tout de suite sur Sega CD. Ben, pas tout de suite, là, j'ai comme gossé un peu. Là, mais ouais. Ben, c'est je suis content aussi, de ça. Là, mais, ouais, non, c'est un bel item de collection aussi. Tu sais, tu te sens homme. Là, quand tu n'es pas déçu. Tu sais, comme, il y a des jeux que tu achètes. C'est ça. Il y a des jeux que tu achètes et que tu n'es pas certain si tu n'as pas payé pour la collection. Tous les sexes sont fiers, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Ça, tu es certain. Là. On demande dans le chat si c'est disponible en Virtual Console, ce jeu-là, quelque part. Il me semble que oui. Ouais. Ouais, mais je me souviens pas si c'était sur la Wii, en fait. Sur Raspberry Pi, c'est disponible. Ouais, ouais, c'est Michael LaRouche dit sur la Wii seulement. Exact, c'est ça. Ah, ouais, vite avant que ça ferme. Ouais. Ben, c'est fermé. Ouais, c'est fermé, le store. Bon. C'est fini. Dans mes mentions, écoute, Roller Games. Ouais, ça, j'ai eu bien du fun avec ça. Ah, puis, pas facile vers la fin, man. C'était un beau défi, mais c'est un défi très faisable parce que tu décontinues, tu recommences tout le temps à la même place. Ouais. Fait que c'est pas décourageant. Magnifique jeu, très sous-estimé, ça coûte pas cher, achetez ça. Super Princess Peach au DS, très belle aventure. Des émotions. La fille utilise ses émotions pour faire plein d'affaires, ce qui est très sexiste. Mais outrepasser ça, c'est un jeu très bien conçu. Ouais. Mais ça touche les émotions d'homme, tu l'as dit tantôt. Là, ouais, intro. Fait que... ouais, c'est ça, c'est toutes des émotions. Ouais. Fait que je conseille ça aux gens. C'est un bon jeu à avoir dans sa collection DS. Ouais, il est passé inaperçu, ben raide, celui-là. J'en ai pas parlé. Sorti, Princess Peach n'était pas sorti en Amérique, il me semble. Oui, il est sorti en Amérique. Ouais, ouais, Dom, il est là. Il a fait la critique. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais qu'il a fait de la critique, ça n'a pas un import. Hein. Tu sais, quand t'étais absent de Rétro Niveau, Nicolas. J'écoutais les shows pareil, guys. Comme pas trop en l'air. Je chiolais, mais vous écoutiez jamais. Tu peux pas comprendre, t'étais pas là. Bon, alright. Salut, guys. J'en ai pas parlé ben cette année, mais je me suis installé chez nous pour finir Little Samson. Parce que cette année, j'ai complété mon full set, j'en ai reparlé tout à l'heure, puis j'ai joué au jeu le plus cher que je possède, qui est rendu à 1500 d'ailleurs. Ah ben, fait voyons, que c'est un excellent, superbe bon platformer de Taito, late release, dans lequel tu peux personnifier quatre personnages différents que tu utilises aux bonnes places au bon moment. Et puis, j'en ai pas parlé sur le show, je sais pas, c'est comme... Non, c'est vrai, t'as jamais... J'en ai parlé, j'ai fait ça. T'en as parlé sur le show. Un petit peu, Mais j'ai pas critiqué, par exemple. Non. Mais il serait dû pour la critique, je trouve. Faudrait, je pense. Ça, c'est quoi les quatre personnages? T'as Little Samson, mais les trois autres, c'est qui? Ah, il y a un golem. Il y a un golem, il y a une souris, puis un genre d'oiseau. Là. OK. Toutes qui sont toutes très utiles. Puis ils ont toutes... Non, c'est bien fait. Il n'y a rien là-dedans qui est pitché là pour rien. On va savoir ça. Pourquoi ça vaut 1000$ cette affaire? Ouais, on en reparlera. Skate or Die Bad and Rad, qui n'est pas un jeu parfait, mais Chris, je l'ai eu, ce style-là. C'était juste pour le dire, vous nous rappeler que tu l'avais. Ah ouais, c'est juste pour ça. Très difficile. Michael dans le chat qui dit Dom, le nouveau king du patin. Ouais, exact. Bruno a été détrôné. Exact. Ouais, j'ai été détrôné. Faut que tu le refasses pour gagner. Faut que je le refasse, ouais. Ça marche de même. Totally Rad, que j'ai fini au WEG, qui est un genre de... C'est quoi ce jeu-là? Platformer Mega Man Light. C'était ça au WEG. C'est quoi ce jeu-là, tout le monde qui rendrait? C'est quoi ce jeu-là? Puis, pas pire, là. Pas trop cher non plus. Correct. Ça, tu veux, pas fou, mais c'est bien. Ouais. C'est pas beaucoup de monde qui le connaissent, donc peut-être pour un setup de pauvre, ça serait intéressant. C'est vrai? Castlevania Adventure, le premier au Game Boy que je me suis remis, puis que fuck, j'ai eu plus de plaisir que je pensais, même si j'ai rushé vers la fin. C'est... J'ai eu du fun avec ça. Simon. Exact. c'est Christopher. Non, c'est Christopher, c'est vrai. Mais j'ai eu bien du fun à retourner là-dedans. Beaucoup de Game Boy pour moi cette année. Je me suis fait un document. J'en ai parlé sur mon podcast. Où est-ce que je mets tous les jeux que je finis. Oui. Ça a l'air con même, mais ça me donne un sentiment d'accomplissement. Tu sais. Oui. Et là, mon année 2017 est faite. Fait que là, je paye un onglet 2018 qui va commencer. C'est dans comme mon les document. Impôts de jeux vidéo. Exactement. Ouais. C'est comme si tu jamais, penses que c'est clair, mais quand c'est fait, t'es bien. Si jamais je choke le restant de ma vie, tu sais, au moins j'ai ça. Là. Ah ouais. Les gens. Les belles années. Cette année, ben, j'ai fini mon full set, tout comme toi. Ouais, ben oui. J'en reparlerai pas pendant des heures, mais je suis très satisfait d'avoir ça. J'aime ça. T'sais, c'est beau. Ouais. Puis c'est drôle de ne plus avoir à se stresser à chercher. C'est vrai, hein? ça c'est hot. On est bien, tu sais, on se concentre sur d'autres choses. C'est malade. Quand le monde il pose des affaires de NES le soir, là, skip, puis tu es avec la TV, t'es comme, ah, oh, fuck that. Ouais, c'est ça. Ben, quelqu'un il pose son fichier Excel, voici tout ce que j'ai à vendre. Skip l'onglet NES, là. Yeah. Quoi que j'ai des label upgrade à faire. Et puis j'en ai parlé, puis je vais finir avec ça dans mon dernier épisode de Papa Cassette, qui est un petit épisode court là, que j'avais besoin de parler. Parce que la vie est dure ces temps-ci chez les bourrets. Un peu fatigué mentalement, les enfants, puis le bar aussi. Le bar Arcade Montréal va très bien. Mais cette année, on a eu beaucoup de focaillages à régler là, ouais. Au niveau administratif. T'sais. Puis je dis ça, puis c'est même pas moi qui s'en occupais. Je faisais presque rien là-dedans, mais juste comme de se le faire ramener tout le temps, qu'on en parle tout le temps, de voir qu'il y en a qui mettent du temps là-dedans, Chris, puis ça aboutit pas, puis c'est tout croche. Qu'est-ce que c'est ça, ces chiffres-là? Tu sais, ça nous a usés, là, nous autres, les actionnaires, là, ben raides. Puis, on était comme, on avait plus de... on a perdu du plaisir quand même, pas mal. Et puis, de l'inspiration, tu sais, pour faire des choses. Mais tranquillement, comme la pilule a passé, on a trouvé d'autres personnes qui vont pouvoir gérer ça. On a continué de faire des ajustements. Il y a tout le temps des ajustements à faire. Mais ça, c'était quelque chose de très important à régler. Puis là, c'est réglé. Puis le bar va très bien. En fait, les ventes sont en hausse par rapport à l'année passée. Donc, c'est vraiment pas un problème de ça. Ça, on est super contents. Puis là, ben, tout comme la musique de Zelda qui vient de commencer. Là, c'est comme un petit... On va entamer 2018 là, du bon pied. Déjà, on a acheté... Ben, on a pogné une télé 42 pouces à Ellie. Ouais, j'ai ça. Vertical. Qu'on va crisser vertical. Ouais, à place je m'en tellement. Ça fait des comme semaines qu'Ellie m'en parle. Ouais, c'est ça. Ellie m'en parle à la job. Il dit « Ah, j'irai pas aujourd'hui à poser. Ça me tente pas. » Je suis comme « Va poser, je veux y aller. » Non, mais il reste des choses à faire, les manettes à arranger. Ah, ça va être écœurant. Mais il y en a peut-être qui vont se souvenir qu'on avait un cabinet Vart, qui est un schmop obscur et de marde. Mais dedans, on avait mis un genre de Pandora Box de King of Air. Qui est juste des shooters verticaux. Puis l'arcade est morte genre 3 semaines après. Ça, ça avait été rough, ça. Ben, ça valait rien, cette arcade-là. On s'en crisse, mais on avait perdu la station au schmop, tu sais. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. On va en refaire un autre, mais on va juste comme crisser une télé sur le mur. La Pandora Box est à terre dans un coin, personne n'y touche. Puis deux joysticks là, qu'on va pimper un peu, que Martin va s'occuper de ça. Fait que ça, c'est là. Et puis, ça s'en vient. On fait des petits changements à ça à bière. On va sortir Trou du Diable. Pas parce que Molson nous a mis de la pression ou quoi que ce soit. Parce que c'est pas si rentable vendre des grosses bouteilles de Trou du Diable. Parce que tu payes le dépôt, tu payes ici, tu payes ça. C'est comme ce qu'il y a de moins rentable dans le bar. Puis ça saoule vite. Trop vite. Ça saoule vite, puis ça sort pas tant. Puis ça prend de l'espace tablette, puis ça prend de l'espace frigo. Mais on a un fût Trou du Diable qui marche bien la saison du tracteur. Or, on s'est dit, on sort Trou du Diable. Et puis, on va rentrer à la place un fût rotatif de Transbrew. Transbrew, eux, distribuent 30 microbrasseurs au Québec. Fait que, tu sais, dont aussi, il y a Bose qui sont là-dedans. Mais tout ce que tu peux penser, Avant-Garde, Vox Populi, Shelton, tout le monde, là. Tout le monde sont là-dedans. Là. Fait que d'ailleurs, les deux barils vont être livrés jeudi. On va commencer avec la New England IPA de Shelton. Ça va être super trippable. Je vais essayer de faire voter le monde sur Facebook. Ça va être quoi la prochaine micro qu'on rentre sur le fût rotatif. Donc, on va améliorer ça. Ça va être trippable. Molson X! Faut que ça soit Transbrew. Et puis, on a acheté une nouvelle arcade aussi qui va rentrer après Noël. Ça va être une Virtua Cop 2. Non! Ah ouais, je ne l'avais pas parlé, je pense. Non! Ah ben, hey, on a ça, on a ça. C'est tellement ça, Terminator. Ben oui, c'est ça. Terminator, c'est un objet. T'sais. Ouais, exact. C'est pas si le fun, c'est dur, pis c'est long. Ouais. Mais Virtua Cop, c'est un jeu de gaucho. Ah, reload! Exact. T'es de boot, pis deux gars de boot, deux filles aussi. Ah ouais. Je fais tout le temps attention. Mais, tu tires, tu sais. On aurait voulu House of the Dead 2, mettons. Ouais. Mais bon. Ouais, mais il est plus. Ben, un House House of the Dead, on aurait dit oui. House of the Dead, c'est un peu plus brain dead, justement. T'sais, t'as pas besoin de penser vraiment pour jouer à House. Non, c'est ça. Attends, t'as un peu de Virtua Cop, t'as comme des gros cercles qui arrivent qui disent « Ce gars-là, tire-le maintenant, là, il est rouge! » Non, non, c'est pas des jeux qu'on... Il jamais rouge, là. Mais c'est pas long, tu sais, puis ça va être ça le Ça se passe bien. Ça se passe bien. On l'avait pas fait, ouais. Jeff, au House of Stark, je pense que qu'on avait chaud comme des crisps, on suait, puis on jouait à ça pendant que le monde était dehors, puis il respirait de l'air. C'est vrai. Ouais, on a... Il faut y retourner un moment donné. J'aimerais ça. C'était le fun, cette trip. Moi, là, je veux caler, puis peut-être en 2018, ça pourrait être ça, là. Un autre game chasing sérieux. Ouais. Peut-être à Toronto. Ça, là. J'ai plein de bars que je veux faire à Toronto, puis il y a plein de boutiques aussi. Oh, ben, yeah. Il n'y a pas plein de boutiques, mais en périphérie, il y en a une couple d'intéressants. Tant qu'on ne dort pas dans une prison, on est correct. Ah, non, on retourne plus là. On n'est pas si pauvre. Fait que c'est ça. Donc, Arcane Montréal, c'est rail, on est motivé, on est gonflé à bloc. Virtua Cop 2. C'est Virtua Cop 2 qui arrive, puis on va continuer. Machine à popcorn, man, qui va rentrer aussi. Ouais! Hier, on était chaud, man. On a dit, aïe, oui, on fait ça. Bidé sur eBay. eBay. On avait plein d'idées, puis que là, on est de bonne humeur, puis ça roule. Les sticks vont être graisseux. Ah, ouais, ben, c'est correct. Tu nuis à une forme physique avec ton bord, d'homme. Je sais, moi-même, je suis une loque humaine présentement à cause de cette petite barre-là. Mais faut avoir du plaisir. C'est plein de belles nouvelles, ça. Exactement. Wow. Génial. Fait que, puis pour finir, ceux qui sont dans le temps des. Qui ont rien à faire dans le temps des fêtes, le 29, on se fait un party. On va tout être là, à l'arcade. C'est vrai, et puis, ça. Si vous voulez venir nous jaser, tout ça, vous ça a donné, faites un petit tour. Un petit bec. Un petit bec, c'est joue. Puis, on va être là, on va être chaud, puis on va avoir du plaisir. Yes. Yeah. All right. Yeah. Great. Fait que, ben, sur ça, je vais entamer avec mon top. J'ai pas de bar, j'offrirai pas de popcorn, mais j'ai des jeux. T'as un podcast. Offre-nous ton knowledge incroyable de jeu. Bro. Yes. Ah non, mais c'est pas chez XCity pour le popcorn pour vrai. Je sais, ça fait vraiment longtemps que je t'en passe. Fallait finir, fallait convaincre Martin. Ça donne soif. Ça donne exact. Soif, ben tabarnak. Oui, on va les assoiffer, ces tabarnaks. Ouais. Ils vont en acheter de la on lasagne. On va les saigner. C'est genre, la prochaine étape pour l'année prochaine, c'est un bloc de sel à chaque table. C'est ça. Licher des léchés, ah ouais, tellement. une bière, une léchée, tu sais. Ah, c'est-tu maison. Quelqu'un du staff passe avec un bâton et un cube de sel au dos. Licher ça. Obligé de le lécher. Pendant que tu fais ta game. Sel en stick. C'est le même maudit cube. Ah oui, rugueux, ça. Après 6 mois, il est comme à angle, bruni un peu. C'était comme soit la machine à popcorn ou monter le chauffage. Ouais, il est déjà assez chaud de même, malheureusement. Hey, Bruno, t'as-tu des jeux, toi, cette année? Ok, ouais, j'y vais. T'es capable d'en faire 5? Ah oui, je suis capable. Là, le pressure is on. Tout le monde est fait en mode leur temps. Ok, let's go. Donc, mon 5e jeu de l'année, c'est Wolfenstein 2 de New Colossus. Surprise! C'est la première fois à Rétro Nouveau que j'ai un first-person shooter dans mes meilleurs jeux de l'année. Sérieusement, ouais. En tout cas, dans mon top 5, c'est jamais arrivé. Puis c'est ça. En fait, c'est que Wolfenstein, c'est déjà écœurant. Le premier était vraiment malade. C'est vraiment, vraiment très bon. Puis c'est une série qui réussit à faire du super bon storytelling puis qui joue un peu avec un thème vraiment deep qui est les nazis et cette guerre-là contre les nazis. Puis là, dans le deuxième, en fait, on arrive à jouer avec ce thème-là puis à faire des bouts comiques, des bouts dramatiques. Tous les personnages sont super intéressants. Le gameplay, le gunplay est incroyable. Il y a des armes vraiment là-dedans qui sont débiles. Il y a une arme où tu peux faire fondre du monde, faire fondre des murs. Comme dans Robocop. Oui. Puis tu peux avoir deux armes en même temps aussi. Puis c'est un jeu, là, c'est un roller coaster ride. T'es tout le temps. T'es un peu comme... en fait, c'est ça, c'est une montée d'adrénaline sans arrêt, vraiment, ce jeu-là. C'est qu'à toutes les fois que tu joues, t'es tout le temps ces gros nerfs, tu sais. Ça paraît que Doom a fait un peu partie du paysage de ce jeu-là pour le créer, parce que c'est le même genre de vibe que Doom, sauf avec du vrai monde. fait que c'est ça, tu te sens puissant, puis c'est vraiment drôle, deep, épeurant. Ce jeu-là est incroyable, il faut que tout le monde joue à ça. C'est de la bombe. 4e jeu de l'année, Hellblade, Senua's Sacrifice. Ce jeu-là, c'est un jeu avec un thème extrêmement deep. Puis c'est un jeu, moi, que j'ai regardé les Developer Diary de ça pendant toute l'année. En fait, ça a duré environ 2 ans, qui ont impliqué vraiment les fans dans le développement de ce jeu-là. Puis c'est un jeu qui faisait le pont entre le AAA puis les jeux indépendants. Donc, c'est vraiment une expérience AAA, mais faite avec un staff plus restreint. Triple finalement. Indie. C'est ça, Triple Indie, bravo. Ouais. C'est génial, ça. Puis c'est copyright ça. 2007, trop nouveau. Puis c'est ça, là-dedans, on incarne cette voix, puis justement, elle a des voix dans sa tête, puis tout ça, puis ça traite de maladie mentale, mais d'une façon qui n'a jamais été faite auparavant dans un jeu vidéo. Puis c'est vraiment très, très bien fait, puis c'est pas gimmicky. On n'a pas vraiment l'impression qu'on veut juste passer un message puis pas faire un jeu. C'est vraiment le croisement des deux sujets est vraiment intéressant. La façon qu'ils l'ont fait est vraiment écœurante. Le son là-dedans est absolument incroyable. Puis la performance de l'actrice principale est vraiment à tomber sur le cul. Puis cette fille-là, c'est juste la monteur de Ninja Theory. Fait que ça, c'est quand même assez impressionnant, pareil, que cette fille-là qui n'a jamais fait d'acting a réussi ça. Puis au Video Game Awards, d'ailleurs, elle a gagné la meilleure performance de l'année. Wow. Tu sais, contre des géants là, qui sont dans le jeu vidéo depuis des années. Donc, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Nice. C'est bien qu'il y ait ce résultat-là avec ce jeu-là. C'est un jeu qui est très bien fait, très deep, très prenant. Puis moi, il est resté avec moi. Et j'y pense encore à ce jeu-là, à des moments, tout ça. C'est vraiment malade. Troisième jeu. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ah, c'est quoi ça? C'est ça, c'est le bout où je suis resté pogné bien longtemps. Petit jeu indépendant. Mais déplacer cette petite plaque de métal. Ouais, exact. Moi avec, ben c'est ça. Moi j'ai comme un rapport amour-haine avec Breath of the Wild. C'est un jeu que j'adore puis que je trouve vraiment écœurant. Puis quand j'ai embarqué dedans, j'ai été accroché comme tout le monde. Mais je suis un gars qui est quand même assez classique dans mes préférences, même si j'aime les reboots et tout ça. Zelda sont allés dans une direction que je m'attendais pas. J'aime beaucoup les donjons. J'aime beaucoup le côté narratif de Zelda. Je l'ai toujours trouvé vraiment intéressant. Là-dedans, j'ai pas aimé l'histoire, puis j'ai pas aimé les shrines. Ceci dit, c'est un jeu que j'ai adoré, dans lequel je mets énormément d'heures, puis dans lequel je joue encore présentement. Puis il y a tellement d'avancées dans ce jeu-là, il y a tellement de choses qui ont comme pas été faites auparavant. En tout cas, dans un jeu du genre, j'avais jamais vu ça. Puis c'est un jeu qui est approchable, qui amène des justement des mécaniques de jeu, puis des trucs qu'on retrouve dans d'autres jeux du genre, mais qui sont un petit peu plus intimidants. Puis je trouve qu'encore une fois, Nintendo a réussi à nous intéresser à un style qui est des fois difficile à approcher. T'sais. C'était intelligent ce que tu as dit, Bruno. Ouais. Merci. Beau. C'était beau. très beau. Un malaise. Hein. J'allais dire que c'était intéressant que tu n'as pas aimé les shrines, mais que c'est quand même un de tes top jeux, tu sais, parce que. Oui. C'est, ouais. Fait que ça veut dire qu'il y a tellement mais de c'est parce que en fait, moi, je te dirais que j'ai beaucoup aimé l'Overworld. Pour moi, ouais, l'Overworld, okay. The Breath of the Wild, c'est un chef-d'œuvre. Puis. Tous les ennemis qui se retrouvent dans Breath of the Wild sont vraiment écœurants. J'ai pas aimé les boss non plus. Les boss, je les trouve sans saveur. Je trouve que c'est... C'est vrai que les boss, c'était moins bon. C'est vraiment poche. Ça, c'est, je pense que c'est unanime. Un peu moins de personnalité. C'est ça. Puis les Divine Beasts, c'était cool quand même. Puis tout ça. Puis les armes qui brisent, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé personnellement. Je trouve que c'est cool qu'ils aient amené cette thématique-là parce que ça te laisse tout le temps sur le qui-vive, justement, à te demander qu'est-ce que tu vas utiliser. Puis tout ça. Mais en tout cas, je vais passer à mes autres jeux, mais c'est vraiment un jeu excellent. Puis je suis fucking content qu'il y ait un bike maintenant. Ah ouais. Ouais, j'ai pas. Moi, j'ai. Il existe ce bike-là, c'est pour vrai? Oui, c'est vrai. Puis il faut que tu achètes le Season Pass au complet pour y accéder. Moi, j'avais pas acheté le premier pack. Fait que là, je vais acheter le Season Pack juste pour y accéder. Ma déception, c'est que je voulais vraiment qu'il sorte un Game of the Year Edition ou quelque chose sur la Switch. Avec les DLC dedans pour que je puisse le réacheter sur Switch pour pouvoir jouer on the go. Moi je dis attends 2018, ça va venir l'année prochaine, j'imagine, mais j'étais un peu déçu qu'au Black Friday ils ont sorti une édition avec un livre dedans. Ouais. T'as pas besoin. Là. Mais toi tu veux le Definitive Edition, genre. C'est ça. Ouais, pas besoin de ça. C'est parce que je l'ai déjà acheté sur Wii U. Là je vais le mettre sur ma tablette pour le laisser prendre la valeur. Ah ouais. Mais bon, allez, continue Bruno, excuse-moi. fait que c'est ça, numéro 2. Horizon Zero Dawn, c'est un jeu que j'ai préféré à Zelda. Je trouve que c'est drôle ça parce que c'est le combat à faire là. Ah sérieusement là, moi je trouve qu'ils ont vraiment réussi. ils ont réussi quelque chose, en fait, en utilisant plein d'affaires qu'on aime d'un jeu vidéo à gauche et à droite, puis à faire un jeu avec ça, en fait. C'est que je trouve que c'est plein d'expériences tried and true, là, que tu as essayé ça auparavant dans un jeu, puis ça marchait. Ils ont pris tout ça, puis ils ont fait un jeu. Le combat avec les machines est absolument incroyable. C'est un jeu comme tel, juste ces combats-là qui sont assez impressionnants. Puis c'est le fun aussi parce qu'il y a plein de choses. Il y a justement le côté très, très imprévisible de Zelda que j'ai beaucoup aimé. Puis dans Horizon Zero Dawn, il est encore plus intense, ce côté imprévisible-là, parce que souvent, tu t'en vas faire quelque chose, puis au final, c'est complètement autre chose qui se passe. Il y a quelque chose qui vient fucker le chien, que ce soit une machine ou un humain, tout simplement. Donc, c'est ça. Puis le monde est vaste. Le personnage, développement de personnage, développement d'histoire est absolument incroyable. C'est vraiment une belle et une bonne histoire. Puis c'est un jeu que quand tu le regardes visuellement, puis quand tu regardais les trailers quand ils ont passé au départ, c'était pas si intéressant que ça. Puis même là, je le regarde, puis je suis comme, boss, c'est-tu le fun que ça? Mais oui, c'est vraiment le fun. Puis une fois que t'es dedans, c'est vraiment écœurant. C'est un jeu qui a une bonne curve d'apprentissage, mais une fois que t'es dedans, sérieusement, là, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est aussi un jeu où tu te demandes, comme dans Zelda, c'est-tu possible de faire ça? Oui, c'est possible. C'est pas mal tout le temps possible. Du moins, quelque chose qui se passe qui était comme « Oh, OK! » Exact, tu sais. Fait que, puis justement, j'ai eu plein de moments « Oh, shit! » tu sais, qui me sont arrivés dans ce jeu-là. Mm-hmm. Donc ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Puis c'est vraiment le fun parce que ça va continuer. Horizon Zero Dawn, c'est un succès. Elle est longue à tuer, ce bébite-là. Hein? Faut quand même que tu la défasses morceau par morceau. Elle est longue en tabarouette, puis faut que tu vois son weak point. Puis c'est parce que là, il y a cette bébite-là, mais il y en a d'autres aussi. Puis t'es limité avec tes armes, puis tout ça. T'as des armes de l'âge de pierre pour battre du next gen. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis après ça, mon grand numéro 1. Vous le savez, Super Mario Odyssey. Je pense que c'était prévisible dans mon cas. Moi, en fait, c'est le jeu qui m'a fait le plus sourire cette année, c'est Super Mario Odyssey. C'est un jeu, en fait, qui m'a pas donné ce que moi j'aime dans Mario. Puis pourtant, je l'ai trouvé écœurant. Puis j'ai vraiment adoré. Parce que je suis pas un fan de Super Mario 64. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment réussi. Je trouve que le contrôle de Mario a jamais été aussi tight. J'ai du fun dans ce jeu-là. À rien faire, à me promener, à juste sauter, essayer des nouvelles techniques, puis tout ça. Puis même encore là, après avoir terminé le jeu, puis après avoir une tonne de lunes, je suis encore à découvrir comment jouer, comment performer dans un jeu de Mario. C'est assez incroyable. Tu sais, l'exploration, ce qui est intéressant, c'est que ça reste un sandbox, mais digérable, tu sais. Ouais. Parce que des fois, là, les sandbox, puis pour, surtout, mettons, du casual gamer, là, tu veux pas te perdre dans, tu sais, mettons, un jeu comme Skyrim, par exemple, qui est difficile d'approche pour quelqu'un de super casual parce que c'est tellement grand. Tu sais, puis, mais ça, c'est vraiment comme un sandbox prêt à porter. Oui, tu sais, exact. Genre, tout le monde, ça convient. Puis, tu sais, c'est approchable. T'as du fun, là, tout le monde peut jouer à ce jeu-là et avoir du plaisir. Ouais, moi, je pense que dans toutes les boîtes de Mario, tu sais, les cassettes de Switch, là, les gens, ils sont comme « Ah, tu les goûtes, ça goûte mauvais. » Moi, je pense que Mario, c'était comme du buvard. Là. Ouais. C'est genre, tout le monde jouait à Mario, tout le monde trippait, tout le monde était comme halluciné, c'est vraiment hot. Mais c'est comme si on était tous à la drogue, ce Mario. Vraiment. C'était ma minute par rapport à ce que c'est. Puis tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est passé avec Odyssey, la même affaire que c'est passé avec Breath of the Wild, c'est que ça arrivait souvent que t'sais, on parle avec du monde, pis là, c'est comme « Hey, j'ai trouvé ça. Hein, t'as trouvé ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est où, ça, cette affaire-là? » Puis, tu sais, tu découvres, tu stocks sans arrêt. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, calice, qui est beau, ce jeu-là. La musique est vraiment incroyable aussi. C'est vraiment de la bonne musique de Mario. Puis, il y a plein de petits détails, plein de petits Easter eggs que je me rends compte après l'avoir terminé. C'est vraiment, vraiment, vraiment un tour de force. Ouais. Je pense qu'un des autres avantages de ce jeu-là, c'est que tous les jeux qu'on a nommés, tu sais, y a des équivalents que tu pourrais jouer semblables. Tu sais. Oui. Ce jeu-là, présentement, cette année, là, puis l'année prochaine, il n'y en aura probablement pas. Pas non. Ce type de plateforme-là. Il n'y a plus grand monde qui en font. Puis ceux qui ont, ils ont une saveur rétro un peu, mais lui, il est vraiment comme... OK, il arrive à quelque chose de... Psychonauts 2! Mais c'est ça, moi je veux le retour du 3D platformer, je le souhaite. Écoute, 100%. C'est difficile. Puis j'espère aussi du DLC pour Odyssey, tu sais, si c'est visible, ouais. Là, et il devrait y en avoir. Ah, ça c'est rajoutable. C'est sûr, c'est rajoutable. Des planètes faciles à rajouter. Ouais. Un monde ou une place à un moment donné où tu t'en vas en 2D. Play Astode. Sérieusement, pouvoir jouer Luigi, ça serait hot. Ah oui, ça serait hot, mais... C'est facile, puis c'est comme, come on. Moi, je dis ajouter un mode deux joueurs split screen. J'ai rien dit. Oh. OK, mention spéciale. Je vais m'en aller là parce que je vois le timer. Mention spéciale, je dirais Middle-Earth Shadow of War. Vraiment que j'ai adoré ce jeu-là. J'y joue encore. Il y a énormément de stock à faire là-dedans. C'est vraiment un très, très, très, très, très, très bon jeu. Très bonne suite. Il y a Old Boy aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé qui est un peu passé sous le radar. Ouais, mais là, il va sortir sur les consoles de nouvelle génération cette année. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça. Un super bon Metroidvania old school. Très, très, très hot. Assassin's Creed Origins qui est une de mes grosses surprises de l'année parce que j'avais délaissé Assassin's Creed complètement. Vraiment en tête, encore une fois, un jeu qui est imprévisible où tu te promènes un peu partout puis tu découvres ce monde-là, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Le système de combat qui est hot, le système de furtivité que je trouve vraiment cool aussi. Puis en tout cas, il y a tellement de choses à découvrir dans ce jeu-là, il est vraiment, vraiment très tête. The Mummy Demastered qui a été un peu... Y a-tu sur Steam ça? Oui, oh, il l'a sur Steam. Ah, peut-être pas sur Mac. Peut-être pas sur Mac. Je pense que oui, peut-être. Ah, ouais. Mais si t'avais. Parce que Chris, tout le monde est comme, waouh, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable ce jeu-là. Faut que je joue à ça. C'est tellement mon genre, j'imagine. Ah, ouais. Ben, achète-toi une Switch. Exact, tu peux t'acheter une Switch. mais tout, c'est. Ok, le samedi matin, man. À 7h du matin, au lieu de regarder et te geler les couilles, tu pourrais jouer à ça. Au lieu d'encourager tes enfants, là. Ouais, faire deux autres. Les pratiques, c'est ça. Vas-y, là. Mon gars, il me regarde tout le temps quand je suis à la glace. Même quand. Achète-toi des lunettes avec des yeux pincés. Ah ouais. Fait que je me sens mal de checker mon téléphone. Des fois, il m'a vu. Là, j'ai l'air du gars qui est. Mais tu sais, il y a une chose. Ben non, mais un moment donné. Ouais, comment les mêmes exercices à chaque semaine. Mes enfants font de la gymnastique. Puis je me sens mal, je veux pas prendre mon téléphone. Fait que là, je mets mes mains sur mes genoux. Puis là, il me regarde. J'en ai deux en même temps dans le même cours. Fait qu'il y a tellement de contact visuel. Puis là. Des fois, c'est super intéressant. C'est de la gymnastique, tabarnak. Non, mais il y a des. Non, il y a des périodes où il joue avec un. Des ballons, des affaires, tu sais, c'est moins spectaculaire. Mais je regarde quand même parce que c'est ça ma job de père. Hashtag j'apprécie tous ces moments. Ah ouais, c'est ça. Sont précieux tous ces moments. T'es en train de les échapper. Pardonneront bien quand ils seront ton âge. Hey, prenez tout son temps. Ben, c'est terminé, Bruno. Ok, ben c'est ça. Mummy Demaster, très, très, très, très, très, très bon jeu. Underrated. Flint Hook, super bon jeu. Écœurant de Tribute. Moi, j'espérais qu'il soit un petit peu plus facile que ça. C'est quand même encore assez hardcore. On souhaite que Tribute baisse la difficulté de leur jeu. C'est un peu rough. Peut-être qu'il en vendrait plus. Ouais. C'est juste d'offrir l'option, en fait. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a Knack 2 qui m'a énormément surpris cette année. Christy, bon jeu, accessible, un très bon 3D platformer. Hub, qui est un jeu incroyable de Runic qui ont fermé leurs portes. Mais ils ont continué le support à Hub. Donc, c'est vraiment un super bon jeu. Si vous aimez Zelda Link to the Past, get on it. SteamWorld Dig 2, que dire de plus? J'ai acheté ce jeu-là, man. J'ai même pas commencé encore. C'est de la je vraie commence bombe. À construire mon Steam backup là, que je jouerai jamais. Là. C'est bon. Je commence tranquillement. Moi, j'ai pas fini de jouer encore à ce jeu-là. Je pense que c'est ma plus longue game, en fait, depuis que j'ai ma Switch. Puis sinon, il y a Ever Oasis, dont personne ne parle, sur 3DS. C'est un Christy bon jeu. C'est vraiment un super bon RPG. Ouais, je comprends pas, je l'ai pas vu sur aucune liste, nulle part. Je sais pas, des Christy que le monde dorme. C'est vraiment, vraiment bon ce jeu-là. Il est dur à trouver son aussi. Calme. Ouais. le tirage était quand même assez limité de... Ouais. C'est du c'est pas faux ça. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui était difficile à trouver quand même. Ouais. Il y avait des quantités assez limitées dans les boutiques de jeux vidéo. Donc c'est triste. Jack le revendeur, là, il est comme... Ça vaut cher! Mais laisse ta tablette! Il est vraiment, vraiment bon. C'est comme le bon vin, tu veux que ça garde. Ah, je sais. J'en ai plein de jeux de même que je laisse. Ah ouais. Rire. C'est ça, sinon, moi, pour en reparler de 2017, ben, je me demande, là, c'est l'année de la Switch, c'est inévitable, puis je me demande, bon, ça doit bien être la fin de la 3DS, là, puis je veux dire, tu sais... Là, un moment donné, moi, je pense qu'ils vont miquer ça. Là, moi, je pense que ça va... Avec plusieurs Pokémon, tu sais. Ouais, ça va rester, mais... Ah ouais, un autre badge de Pokémon. Ça aide les papas du gaming. En deux cas, fois les mêmes affaires tout le c'est temps. C'est vrai. Ouais. Mais j'adore la 3DS. J'ai encore vraiment beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, avec la Vita qui n'est plus vraiment là. Ouais. J'aime que la 3DS, elle vive à côté de la Switch. Mais en même temps, quand je la regarde, je suis comme... Ah, mais j'ai... Colin, tu sais qu'elle achète. Je t'aime plus que l'autre. Mais là, je pense finalement, que, tu sais, ils viennent de sortir d'ailleurs là, la 2DS ouais. Excel Plus ouais. ou en tout cas. Exact. Je me rappelle pas du nom exactement, mais dans le fond, là, faut que tu saches t'es qui qu'elle sort de public. Il y a un public qui va juste faire attention et bijouter sa Switch. Ouais. Un public qui va juste garrocher, man, sa console, dont ton enfant de peut-être 10 ans. Ouais. Tu veux-tu lui donner une Switch? Ouais, mais là, main, ça dépend. Il y a quelqu'un qui l'a fait tomber du ciel, la Switch, puis elle est encore correcte. Ah oui, tu peux aller voir sur YouTube justement une drop d'à peu près 200 mètres. L'écran mètres, va péter. Là, non, ça n'a pas pété, stage. Elle fonctionne encore. Voyons. Ok. Je m'en vais direct sinon, sur YouTube après le show. Moi, je dirais que 2017, c'est vraiment la meilleure année pour le gaming. Ça n'a aucun sens. C'était difficile de faire un top cette année. C'était difficile de choisir des jeux. Je sais pas comment t'as pas fait de burn-out, toi. Moi, j'ai... T'en as tellement c'est joué. S'il jouait pas, qu'il ferait des burn-out. À répétition. Ah ouais. Faut pas qu'elle pense jamais. Oh, si bon, faudrait bien que je tourne le gazon. Vite, Mario! Vite, faut que j'allume la Switch. Aïe, aïe. Mais ouais, non, moi, j'ai eu de la misère à fournir cette année parce que j'aime ça. Puis il y a plein de jeux comme toi, Nick, que j'ai vu passer puis que ça me faisait chier de pas jouer. Je pense qu'il y a sorti Red Dead 2. Ça, on ah, mais mort. Ils l'ont poussé exprès. Ouais, mais au moins, quand ça arrive, tout le monde joue à ça. Fait qu'on dirait que c'est correct. C'est comme il y a une pause dans l'espace-temps du gaming. Tu sais, dans le temps de Breath of the Wild, c'était ça. Tout le monde jouait à ça. Fait que c'était comme... On dirait que t'es comme dans cette gang-là. Pis... T'es dans les limbes. Tu vois plus exact. Ce qui sort. T'écoutes plus rien. Le moment où tu reviens... Ouais. Puis moi, j'aime ça le temps des fêtes parce que ça me permet justement de me ressourcer, c'est-à-dire en jouant à un ou deux jeux maximum. Ouais. Parce que moi, dans la vie, je joue à quatre jeux en même temps, tout le temps. Fait que... En même temps. Oui. C'est 4 TV, comme... C'est comme Neo quatre... dans Matrice, là. Il est comme... 4 membres. 4 membres. Ouais, on dit pas lesquels aujourd'hui. Ben, 2 pieds, 2 mains, là. Come on. On va dire pour les Patreons seulement. Oh, ouais, exactement. Oh my God. C'est ça, puis aussi en 2017... avec la langue. En 2017, j'ai décidé de faire Rétro Nouveau solo. Puis je suis super content de l'avoir fait. T'es parti sur un que... faux départ en plus. T'as eu de la misère à le faire le premier. Puis t'as comme pris goût, on dirait, à aller faire après ça. Oui. Ben le premier, je l'ai commencé. Puis j'ai fait fuck this. Ça marchera pas. C'est pas fait pour moi. Puis finalement, après ça, j'ai embarqué. J'ai reçu plein de commentaires, le fun. Puis tout ça. Fait que ça a fait que j'ai continué. Puis tout ça. Puis les sujets sortent facilement. Fait que je vais continuer ça. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis c'est ça, je suis super content de 2017 pour le gaming. Puis j'espère qu'en 2018, on va avoir un peu plus le temps d'apprécier les jeux puis qu'il va y avoir moins de sorties précipitées parce qu'on on pourra pas survivre là. Et j'ai fini dans les temps! 2 secondes de la fin, tabarnoun! Les gars, il nous reste un 15 minutes de debriefing de l'année. Puis je vais commencer en disant bravo, vous avez tous suivi votre timing aujourd'hui. On a commencé plus tôt puis on a fini avant, ce qui est parfait. Ma blonde va être vraiment contente qu'on la dérange pas à 11h le soir. On va partir avec le show d'air. Depuis qu'on a changé l'horaire, ça va mieux, je trouve. Oui, je sais pas si les fans aiment peut-être ça aussi parce qu'on finit plus tôt. T'sais. Exact. Fait que, on a resserré un peu comment on fait le podcast. Exact. Si on est plus tight. Ça, puis de débattre le show pour jongler avec les sections, t'sais, à la place au lieu de faire toutes les critiques, discussions. Là, comme on alterne les affaires, je trouve ça plus dynamique. Fun, je trouve qu'on a une bonne formule là, présentement. Vraiment. On a amélioré ça. Ouais. C'est bon, on s'améliore. On s'était débarrassé d'un élément. Ça allait bien. On rentre le bois mort. C'est comme un boomerang. Dans le fond, Nicolas, c'est comme. On va l'engager, Al Gill. Dans le fond, Nicolas, c'est comme. Nico, c'est comme le gars qui possède une maison qui est infestée par des punaises de lit. Faut que tu te crisses dehors pendant un bout pour faire le ménage et tu le ramènes. Exact. C'est bien. Oui, tu me décris parfaitement, Fred. Non, mais ça va faire du bien à nos yeux aussi de voir un gars bien habillé. Ouais, exact. Department of Justice. Don't do drugs. Ça se respecte. Tout le mais temps, non, sur la coche. Sérieusement, t'étais la nouvelle de 2017. T'étais comme, tu pars et tu reviens dans la même année. Ouais, tu nous as brisé le cœur et on est retombé en amour avec nos ex. Un Dominique Michel de moi-même. Vraiment? C'est mon dernier. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être de retour, honnêtement. Puis ça me manquait. J'écoutais en pleurant tout seul avec mon iPod dans le sous-sol noir. On a vu beaucoup de commentaires qui disaient que ça paraissait quand t'étais pas là puis que le show est beaucoup meilleur quand t'es là. Donc, il y a même quelqu'un qui a dit qu'il espérait que tu reviennes puis que je m'en aille. Non, j'avais pris ta place. Mais non, c'est pas vrai. C'était pas le cas. Non, tu sais. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est ça. Non. Les jokes de Paris. C'est pas le cas, c'est un rigolo. Non, puis aussi, si je me trompe pas, 2017 marque ton arrivée, Fred, aussi. Ben oui, c'est vrai. Quand même, ça, c'était... Dans le monde du podcasting. Quand que je suis arrivé, déjà? T'es arrivé début 2017. Il faisait Fred, me semble. Ça a passé vite. Hey, je me suis rendu compte de ça. Ça a passé vite. Il y a quand même beaucoup de podcasts qui ont été faits. Je suis surpris. Mais je pense que, tu sais, je vous l'ai dit une couple de fois, j'adore vraiment ça, je pense, jaser, peut-être même des fois trop. On déborde un peu, sauf pour ce spécial de fin d'année. Ouais. Mais c'est vraiment très plaisant, je suis vraiment très content d'avoir pu vous rejoindre pour parler de rétro et des fois un peu de nouveau au grand désarroi de Dominique. Yes. Et de rester pris dans le tunnel en s'en retournant. C'est ça. Maintenant, ça l'a aidé de finir plus tôt parce qu'on est plus coincé dans les cônes. Maintenant, Dom a de la compagnie quand il est pris dans le tunnel. On peut sacrer à deux puis on peut écouter le gars qui klaxonne non-stop à toutes les fois que quelqu'un essaie de dépasser la ligne. Aïe, c'est une mongole. Non, mais on peut, on tient des potins rétro. C'est ça, toujours. On s'update. C'est très bon. C'est très bon. C'est malade. Puis là, je sens que là, on est maintenant qu'on est 5. Je me sens comme dans... Je pourrais faire un Power Ranger robot avec vous autres, puis je serais c'est vrai. Tous les membres sont là. On a un chess là, pour tenir tout ça ensemble. Un Voltron. Voltron. 5 minutes. Fait que je sais pas si on a le temps de parler. 2018. Ouais, 2018, qu'est-ce qu'on espère de 2018 de tout notre cœur. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de versions d'Xbox pour le show? One. Ouais, une Xbox One X. Il semble que 2-3 de plus, ça corrigerait certaines choses. Mais blague à part, j'aimerais vraiment ça que, tu sais, qu'on change rien. J'ai pas besoin d'une nouvelle console. Là, ils sont tous établis. Je veux juste des bons juste jeux. Juste du temps. On veut juste rouler, relax, là, utiliser tout ce qu'on a acheté. Pareil pour les collections, tu sais. Ouais. Là, j'achète des petites affaires, tu sais, mais pas rien de... J'achète beaucoup moins aussi, mais plus précis, tu sais. Une chose, genre, que je veux vraiment... Quand c'est une dépense folle, là, mettons, mais je veux comme profiter vraiment de tout ça. Puis j'ai même une autre affaire que je voulais faire. Moi, je garde mes jeux de Game Boy dans un cartable, à carte de hockey. Chaque petite cassette dans un trou à carte. Et puis là, j'ai décidé, à partir de ce matin, qu'à chaque fois que je finis un jeu, je tourne la cassette à l'envers. Oh, mon Dieu! Je vais flipper mes pages. Je vais dire, qu'est-ce que j'ai pas fini encore? Colin, tu la Blair Witch. Ah ouais? C'est pas... Non, Blair Witch, il se tourne vers le mur quand il est fini. Oh boy, ça c'est du méta-humour, j'aime ça. Fait que je me lance là-dedans, la petite grise, battez des jeux, finir des dossiers. Exactement, t'as un bon point. Moi aussi, cette année, avec le full set de NES, puis là, bon, évidemment, comme je disais, on a comme lancé plus la boutique et tout. Retro Love sur Facebook. Non, c'est pas... Mais bref, ça, on a tellement poussé là-dedans que... Comment tu l'appelles la boutique? Alors, facebook.com/retrolove en un mot. Retro Love Games, tu peux les voir en vrai, tu peux aller les voir perdre leur après-midi à la Retro Expo. Esti, à toutes sortes de festivals. On fait beaucoup d'événements, venez nous voir quand il y a un événement, on est là. Mais non, mais tout ça pour dire que moi aussi, j'ai tellement carburé cette année, j'ai tellement rentré de jeu que là, je me suis dit, hey, dans mes fêtes, je prends une semaine de plus juste pour gamer puis passer au travers de ça. Puis là, je suis comme, hey, attends un peu, peut-être que je reste stacké up, puis genre, tu sais, prends ça un peu plus relax, je vais vraiment prendre le temps de gamer, tu sais, apprécier tous les jeux. Tu sais, je regarde juste dans le next-gen, là, je suis en retard, là, mais en retard, puis je suis comme... J'ai plein de bons jeux Wii U, man. Ouais. Je joue pas, tu sais. J'aimerais ça. Ça bon sens, j'ai acheté Bayonetta 2, je l'ai même pas ouvert. Ouais. J'étais sur Moreau, c'est-tu. Yoshi Woolly World, j'ai full de plaisir. Je joue sur mon gars, mais il stan rapidement. Moi aussi, mon gars. Moi, des fois, je me dis, être bien chanceux, là, je me pèterai deux jambes, arrête de travail, je pourrais rester chez nous gamer. Ouais, c'est ça. Mais faut que tu prends du temps. Au travail. Prends du temps. Ça prend un ami qui va te pousser dans les marches au boulot. C'est caméra partout. Un chum louche. Ces gars-là, ils se connaissent, ça compte pas. Pogne-toi un chum qui est blurry, là. blurré ou pixelisé, là. Un ami qui aime le Nintendo 64. Oh! Oh! Oh! Low poly. Low poly blurry. Non, mais... Pis toi, Bruno, écoute, 2018, là, c'est qu'est-ce que t'aimerais? Là, moi, 2018, que... j'aimerais plus de jeux linéaires, moins de jeux open world. Je m'ennuie de la linéarité. Bon, Pis je m'ennuie du simple. Moi, je trouve que là, c'est y a tellement de jeux à 15 pitons. Là, j'ai goût de plus de jeux à 4 pitons maximum, tu sais, pis... Je reviens souvent à mon Game Boy, puis c'est un peu pour ça. Je suis comme, ah, faut simpler times. Ouais, c'est ça. c'était, ça allait bien, c'était facile, tu sais. Puis des tu fois. Tu peux jouer ça à bol. Ouais. Jouer ça à bol, là, c'est. On a joué à beaucoup de jeux similaires cette année, je trouve, ouais. Les uns des autres. Tu sais, des open world où il y avait une tonne d'objectifs, tout ça. Tu sais, je check juste, moi, dans mon top, tu sais, il y en a beaucoup des open world là-dedans. Fait que, tu sais. Moi, je veux retourner là. Puis aussi, un de mes objectifs 2018, c'est de finalement me décider à m'acheter une Game Boy Color rétro-éclairée. On va en parler aujourd'hui. Grosse ouais, dépense. Exact. De parce chez, que, comment ça s'appelle déjà? Rétro-modding. Rétro-modding. Ouais. Ouais. Mais c'est excellent Game produit. Boy Advance de première génération en bête de guerre. Ouais, mais c'est ça. Comme je disais à Bruno, tu sais, à un moment donné, il faut se doter des bons outils. C'est vrai. Ouais. Et puis, si tu passes beaucoup de temps là-dessus, tu vas être heureux avec ton petit luxe que tu as. Tu en passes encore plus. Tu en passes encore plus, puis tu vas être comme vraiment, vraiment heureux. Là. C'est un autre feeling que la petite Game Boy Micro, même si c'est une belle petite machine. Mais... Ouais, mais la Game Boy Micro, je l'aime pour jouer à du Advance, puis je peux pas jouer à du Game Boy normal dedans. Là, ça rentre pas. Non, ouais. Pas la micro. Puis, quand je joue sur ma SP, je trouve ça poche. Tu sais, ouais. Genre, t'as deux écrans, puis il y en a un qui sert pas. Je sais pas, c'est pas optimal. Sur en ta plus, DS, c'est ta DS, ouais. Non, ma Game Boy Advance SP. J'ai pas deux jouer écrans. À du Game Boy. Hein? Oui. Comment ouais. Deux écrans sur non, mais y a pas deux écrans. Non, il y a un écran, excuse-moi, okay, mais l'écran, flip, il est en haut. Excuse-moi. La flip. L'écran est en haut. Bruno joue en regardant ses pouces, c'est ça qu'il nous ouais. Dit. C'est parce qu'en fait, à cette heure-là, je t'écoute, mais je m'écoute pas. Mais c'est ça, il y a juste un écran en haut. Je t'écoute. C'est pas à bonne place. Puis le Game Boy, pour moi, il est parfait. C'est écœurant, cette machine-là, la prise en main. Il se tient bien. Il se tient vraiment bien. Fait c'est un peu la même prise que quand tu manges un sandwich. Ouais. Ouais, c'est ça. Un petit burger. C'est vrai, ça. C'est bon. Petite poignée. Puis un dernier petit. Pour ceux qui mangent beaucoup souhait. De sandwich, là, ouais. Pour rétro nouveau kilo, ouais. Comme on parlait. Ben, ça s'en vient. Rétro nouveau kilo. Rétro nouveau kilo, j'aime bien ça. Stay tuned. Puis moi, j'aimerais ça qu'il y ait un revival du jeu Scalebound qui a été cancellé pour. Ouais, mais c'était peut-être de la merde. Ça, tout le monde, c'est indigne. Il n'y a personne qui a joué. C'était peut-être de la merde. Hey, c'était Ninja Theory qui était derrière ça. Ouais, mais Ninja Theory, ça se peut qu'il ait fait une erreur. Non, mais je dis pas que c'était de la merde. Je refuse d'accepter ça. Je dis juste que si ça a été annulé, c'est pas par pure méchanceté. Mais j'imagine que Manny, c'était comme, hey guys, je pense que. Ça va nulle part. Non, moi, je te le dis, c'est Nintendo Sony qui rachète ça. Parce que. Écoute, d'après moi, il y a quelqu'un qui va le financer. Je l'ai pas dit, c'est moi là. C'est dumb. C'est ça les temps difficiles que tu parlais. Nouvelle Energy Drink. Ouais, c'est ça sur l'Atari, là. Ouais, c'est l'Atari Box. T'as pas parlé de l'Atari Box dans ton top de l'année. J'ai pas parlé de l'Atari Box, effectivement. Ah ouais, j'avais rien à dire. Hey, ce joystick-là, mon gars, il est magique. Joystick Christmas beau, là, par exemple. Ça, c'est. Tu sais, pour tout le fail que cette chose-là va être. Ouais. Au moins, ils vont pas faire le joystick. Ouais, c'est ça. Tu l'as acheté au début ou après en liquidation quand. Ben, il y a l'intention de l'acheter. Je pense qu'il l'a déjà précommandé si une telle chose est faite. Oh, ben là, c'est pas possible, je pense. Mais je vais l'essayer. Ouais. Mais si... tu sais, on s'entend. Je jouerai pas à ça. Mais c'est un bel objet, man. C'est sûr que si ça floppe et que ça se vend pas cher, on va en acheter une rien que pour l'objet. Mais c'est quoi que c'est? C'est une... C'est pas clair, un Android. C'est une boîte Android. Boîte Android, dans le fond. C'est juste ça. Ouais. Qu'on va pouvoir jouer à tous les jeux qui sortent sur... sur les téléphones Android, tablettes. Ouais, c'est pas clair. Ah ouais? Les jeux, ok. Mais pas de Steam ni rien, là. Juste des jeux. Non, c'est pas de Steam. On sait pas, Atari Store sûrement, ils vont juste slapper quelque chose par-dessus. On le saura quand ça s'en vient. Il va avoir les classiques d'Atari de Super. Oh ouais, ça, ils l'ont mentionné. Fait que ça, c'est cool. Toi, JF, qu'est-ce que t'attends de 2018? Beaucoup de VR, en fait. En fait, à la fin de l'année, il y a eu beaucoup d'expériences VR vraiment AAA que je considère qui sont vraiment bien faites, qui sont polies. Fait que j'ai hâte de voir. Où ça va aller cette année, moi, la réalité virtuelle, parce que je pense que ça commence à s'établir comme vraiment un mode de jeu à part entière. T'auras le rétro, t'as le nouveau, puis t'as le VR qui est à côté, puis c'est moins niche que c'était. Puis je pense que c'est pas une gamme comme les TV 3D l'étaient, mettons. Là, vraiment, on a quelque chose. Ça, là. TV 3D. Hashtag TV 3D. Ah, ouais, c'est maintenant. J'en ai une, OK, mais elle venait avec. Je veux pas ta 3D. Prends-la, ça vient avec. Prends-la. J'ai des lunettes que j'ai jamais déballées. Puis, ben ouais. C'est ça. Ben ça. Mais je pense que ça va être une belle année. Puis sinon, pour le break des fêtes, juste jouer plus relax. Parce que quand Nick est parti, j'ai comme pris une charge de travail que j'étais pas habitué. Puis ça faisait un bout que je gamais beaucoup moins. Puis là, je suis tombé dans des jeux de 30 heures qu'il fallait que je me tape en deux semaines, plus un VR. Fait que je pense que j'ai bien livré ce que j'avais à faire. Là, je vais prendre le temps de compléter. J'ai Mario Odyssey, j'ai des lunes à ramasser. Une petite affaire tranquille. Fait que j'ai un bon break de comme deux semaines et demie, trois semaines. La porn en VR, vas-tu te lancer là-dedans un peu? Ouais, je suis pas sûr que je vais streamer celle-là par contre. Les accidents. Non, mais les accidents, ça peut arriver. Tu pourrais faire des reviews. De porn. Non, ça serait le fun. Sur mon channel, channel 18 ans et plus seulement. Non, on fait ça ici, là, devant les jeunes. Là. Eh oui. Salut, les jeunes. Toutes les jeunes qui nous écoutent. C'est le futur. Le futur. De 2018, je t'ai déjà mentionné qu'il y a une nouvelle saison de Street Fighter. Oh. Et ils ont annoncé le King of Muay Thai, Sagat. Ouais. Sakura. Cody. Puis Blanca aussi. Là, de quoi tu parles? Il y a toi qui comprends de quoi tu parles. On va pouvoir acheter des nouveaux personnages de Street Fighter. Les nouveaux vieux personnages. Ils sont pas dedans, non, il est pas là présentement. Street Fighter 5. OK, t'as dit donc, qui, là? Sagat? Sagat, Sakura, Blanca et Cody. Oh. Donc Blanca est pas là. Là, il est là, il s'en vient. Fait que ça va être une belle saison. Je pense qu'on va continuer de jouer à ça. C'est un jeu qui meurt pas. Encore un autre jeu qui était poche au début, puis que là, il est hot. En plus, il y a l'arcade mode qui s'en vient. Ouais, ça fait pas un an qu'il parle que l'arcade mode s'en vient. Là, il s'en vient. Mais là, l'arcade mode, il arrive. En janvier, même. On peut aller sur YouTube et retrouver des épisodes là. Il s'en vient, man. Je pense que dans review, genre, l'arcade mode sort bientôt. Il s'en vient. En 2016, là. Mais 2018, on dirait que Capcom se réveille enfin. Ouais, ben, ils ont fait des bons moves cette année. Tu sais, Resident Evil 7, c'est quand même un bon retour, tu sais. Megaman, c'est hot quand même. Tu sais, tous les revivals des franchises. Monster Hunter qui a Monster vraiment l'air. Ça fait tellement longtemps que j'attends un Monster Hunter Next Gen. Tu sais, sur Xbox 360, PS3, il n'y en a pas eu. Ouais. Il y en a eu un après une espèce de port de la version Wii sur Wii U qui était comme... C'était correct, mais tu sais, c'était pas comme un full-edge jeu de Wii U. Là, c'est le premier next-gen qui arrive avec des beaux dinosaures mélangés avec des oiseaux. Pizza Online. Pizza Online en plus. C'est-tu cette année qu'il va sortir Bloodstained, le Castlevania Il est supposé sortir cette année. Ça, cette faut faire attention parce que j'ai comme kickstarté ça. Puis genre, Kickstarter envoie toujours plein d'emails, puis un moment donné, au travers de toute la cochonnerie, t'en envoies un dans lequel il faut que tu pitches ton adresse pour avoir le jeu. Okay. Ça, c'est sûr que je le verrai pas passer. Ah, on va le flusher vite, là, je l'aurais jamais vu passer. Asti. Ah, des spéciaux sur H&M. C'est parti. Yes. Bref, belle année. Belle année. On remercie tout le monde, tous nos auditeurs. Yes. Tous les Patreons qui nous soutiennent. Avez-vous remercié celui en On a remercié CyberWest. Parfait, parfait. Ouais. Fait que ça a été une grosse différence pour nous autres aussi quand on a activé les Patreons. Sérieux, ça a vraiment aidé à la technique. Moi, ça m'a libéré. J'ai plus de laptop devant moi. Tout va vraiment bien pour la technique. Je pense qu'on. Le jour et la nuit. On peut aussi prendre une minute pour remercier nos blogueurs, en fait. Oui, ils sont encore actifs. Donc, Mario Ramos, Tania, éditeur en chef. Merci, blogueurs. Vous avez brisé la bandwidth depuis plusieurs mois. On défonce tout le temps la bandwidth aussi. Ah, c'est trop. Il y a trop de monde qui vont voir les articles. Fait que c'est sérieux? Pour vrai. Wow, c'est moi qui reçois les emails, mais c'est correct. C'est j'ai qui paye un deal avec Domaine Plus. Ah oui, c'est vrai. Je m'arrange. On a des deals. Des deals. Hey, bravo. Ça, c'est de l'écriture de qualité, alors. Merci beaucoup. C'est vraiment cool. Ça nous permet aussi de découvrir des jeux, mais il y a des affaires qui sont passées là-dedans que j'ai pas eu le temps de jouer. D'ailleurs, j'ai acheté dernièrement Yonder and the Chronicles of je sais pas trop combien pour ma fille grâce à la critique de Tania. Beaucoup de jeux plus sombres sont couverts dans ces podcasts, dans ces puis des jeux plus longs dans aussi, pas nécessairement le temps dans ce blog là. Alors allez-y, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Cool. C'est vraiment génial. Puis merci aux auditeurs qui nous ont suivis YouTube, Facebook, Twitch. On a comme changé un peu les affaires. Mais là, on est 7 et on reste sur Twitch. Je pense que ça marche bien. Ouais. Ouais. Mais c'est tout le monde qui est live. On garde Nick aussi. On garde Nick. Ouais. On est 7 et là, ça marche. Moi, je change plus de job. Là, ça va bien. Ça va ouais, c'est ça. Ouais, je reste. La seule fois qui pourrait arriver en 2018, c'est le studio. On espère. On se croise les doigts encore. Que... Ben, exact. Je peux pas craindre. À un moment, après 2 ans, ça va faire. Là, ouais, ça va se faire. On a qu'à passer un coup de pinceau puis à réaménager ça. Ça, exactement. Le problème, c'est pas tant le décor, c'est plus l'espace. Puis moi, je vis dans un 3x4 tout le temps. Ici, c'est mon bureau de travail. J'avoue que t'as tout ça. C'est mon espace VR, en fait. Je peux plus. C'est ça le gros problème. Ouais, toi, t'en passes du temps ici, t'en crées. Moi, je passe 92 heures par semaine à peu près là-dedans, là, de ce bureau-là. Non, mais j'ai mon 40 heures de job, plus je fais 2-3 podcasts par semaine, plus des les fois, VR. Tu vas dans le salon pour rien faire. En fait, pas écouter les Simons. Le secret. Le secret, c'est que la litière qui est là, c'est pas le chat qui a rempli. Non, ben, c'est ça. C'est mes longues sessions de VR, de travail intense. Hey, boy. Merci à tout le monde. Merci à ma blonde aussi qui nous a. Qui nous endure gueuler à chaque fois. Oui, exact. Puis c'est plate pour elle parce que plus que le show avance, plus le ton il monte. Parce que c'est fatigué. Ça finit par des cris à la fin à Rétro Nouveau. Mais c'est quand t'enlèves tes écouteurs. Là, on s'en rend pas compte, nous autres. Ou le monde qui nous écoute s'en rend pas compte, mais on parle fort en maudit. C'est clair. On a de la musique des oreilles, on est motivé. Fait que c'est ça. Mais bon, c'est pour ça qu'on a resserré le show un peu aussi. L'énergie est palpable. Voilà, exactement. Génial. Je souhaite un joyeux Noël, une bonne année à tout le monde. Les auditeurs, oui. Ne prenez pas le volant si vous buvez. Exactement. S'il vous plaît, on veut pas perdre de Patreon. On peut pas se permettre de perdre surtout de pièces. Surtout pas. Aïe. Vraiment. C'était une blague d'humour un peu. C'était un peu sombre. C'était Cyril Rictus, là. Tellement c'était greedy comme humour. Mais voyez-vous, c'est quoi là-bas par la fenêtre qu'on voit? Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme. C'est pas comme. C'est le Superman. Oh, shit! Oui, ça va pas partout dans la bonne direction, là. Bah non. Ben voyons, il va vite en crise aussi. Celui-là, c'est vraiment ce qui se passe? Il me semble qu'il va vraiment vite vers nous autres!